Lady Roxana, chapitre 6. Sommaire. Je propose au baronnet de quitter l'Angleterre. Nous faisons une rente viagère à notre amie la Quakeresse. Elle est pénétrée de nos bontés. Deux imposantes questions posées à mon époux. Valeur de nos fortunes réunies. Arrangement amiable. Voyage à Rotterdam. Je deviens pensive et mélancolique. Ma fille prend Amy pour sa mère. Je suis très alarmée des découvertes de ma fille. Mystérieuses assertions sur Roxana. Amy menace l'existence de ma fille. Singulier incident à bord d'un navire. Inconcevable plaisir que j'éprouve à embrasser ma fille. Je feins une maladie pour différer notre voyage. La femme du capitaine et ma fille viennent chez moi. Propos divers sur Roxana. Grande perplexité occasionnée par les remarques de mes visiteuses. Soulagement que me cause leur départ. Les soupçons de la Quakeresse sont éveillés. Voyage de Hollande retardé. Effroi causé par une remarque du capitaine. Bonté et attention de mon époux. Nous quittons Londres pour Tunbridge. Roxana, mère de ma fille. Ma fille raconte son histoire à la Quakeresse. La Quakeresse se fait mon espion fidèle. Amy emmène ma fille à Greenwich. Je la chasse. Sa disparition. Dialogue entre la Quakeresse et ma fille. Ma fille cesse ses visites. Je crois qu'elle est assassinée. Nous restâmes dans l'appartement de la Quakeresse pendant plus d'un an. Car alors, faisant comme s'il était difficile de décider où nous établir en Angleterre à sa convenance, à moins de choisir Londres, ce qui n'était pas à la mienne, j'eus l'air de lui faire une offre pour l'obliger, en lui disant que je commençais à pencher vers l'idée d'aller à l'étranger, vivre avec lui. Je savais que rien ne pouvait lui être plus agréable, et quant à moi, tous les lieux se valaient. J'avais vécu tant d'années à l'étranger sans mari, qu'il ne pouvait être lourd pour moi d'y vivre de nouveau, surtout avec lui. Nous en arrivâmes à échanger longuement des politesses. Il était, me dit-il, parfaitement heureux de demeurer en Angleterre, et il avait arrangé toutes ses affaires dans cette vue. Car, comme il m'avait dit qu'il comptait abandonner toutes les affaires du monde, aussi bien le souci de les mener que l'inquiétude d'y penser, considérant que nous étions l'un et l'autre en position de n'en avoir pas besoin et de trouver que ce n'était pas digne de notre peine, je pouvais bien voir que telle était réellement son intention, puisqu'il s'était fait naturaliser, s'était procuré des lettres patentes de baronnet, etc. Eh bien, lui répondis-je, j'acceptais sans doute ses compliments, mais malgré tout cela, je ne pouvais ignorer que son pays natal, où ses enfants étaient élevés, devait lui être plus agréable que tout autre. Et si j'avais tant de prix pour lui, je serais à ses côtés pour augmenter encore le degré de son contentement. Partout où il serait, là serait ma patrie. Et n'importe quel lieu du monde serait pour moi l'Angleterre s'il était près de moi. Bref, je l'amenai ainsi à me permettre de l'obliger en allant demeurer à l'étranger, lorsque la vérité était que je n'aurais pas été parfaitement à l'aise en demeurant en Angleterre, à moins de me tenir constamment renfermée, de peur qu'à un moment ou à l'autre, la vie dissolue que j'avais menée ne vînt à être connue, et que ne fussent connues aussi toutes ces vilaines choses dont je commençais alors à être honteuse grandement. À la fin de notre semaine de noces, pendant laquelle notre Quakeresse avait été si parfaite envers nous, je dis à mon mari combien je croyais que nous lui étions obligés pour ses généreux procédés à notre égard, avec quelle extrême bonté elle avait agi depuis le commencement, et comme elle m'avait été une amie fidèle en toutes les occasions. Et puis, lui dévoilant un peu ses infortunes domestiques, je mis en avant que je croyais devoir non seulement lui être reconnaissante, mais encore faire pour elle quelque chose d'extraordinaire, afin de la mettre à l'aise dans ses affaires. J'ajoutai que je n'avais pas de charge qui pusse l'importuner, qu'il n'y avait personne m'appartenant qui ne fût amplement pourvu, et que, si je faisais quelque chose de considérable pour cette honnête femme, ce serait le dernier cadeau que je ferais à qui que ce fût au monde, excepté à Amy. Quant à celle-ci, nous n'allions pas la laisser de côté. Mais dès qu'il s'offrirait quelque chose pour elle, nous verrions à agir suivant les motifs que nous aurions. En attendant, Amy n'était pas pauvre. Elle avait bien économisé de 700 à 800 livres sterling. À ce propos, je ne lui dis pas comment, ni par quelles voies coupables elle les avait amassées, mais je lui dis qu'elle l'avait fait, et c'était assez pour lui faire comprendre qu'elle n'aurait jamais besoin de nous. Mon époux fut extrêmement satisfait de mes paroles au sujet de la quakeresse. Il me fit une espèce de discours sur la gratitude, me dit que c'était une des plus brillantes qualités d'une femme comme il faut, que c'était si intimement lié à l'honnêteté, bien plus à la religion même, qu'il se demandait si l'une ou l'autre pouvait se trouver là où la gratitude n'était pas, que dans le cas présent, il y avait non seulement gratitude, mais charité, et que, pour rendre la charité plus véritablement chrétienne encore, la personne qui en était l'objet avait un mérite réel pour attirer ses bienfaits. Il consentait donc à la chose de tout son cœur, me demandant seulement de le laisser en faire la dépense de ses propres fonds. Je lui répondis que quant à cela, quoi que j'eusse dit autrefois, je n'avais pas dessein que nous eussions deux bourses. Je lui avais en effet parlé d'être une femme libre, une indépendante, et le reste, et il m'avait offert et promis de me laisser ma fortune entre les mains. Mais puisque je l'avais pris, je voulais faire ce que font les honnêtes femmes, et là où je jugeais bon de me donner moi-même, je donnerais ce que j'avais aussi. Si j'en réservais quelque chose, ce ne serait que dans le cas de mort, et afin de pouvoir le donner à ses enfants ensuite comme un don venant en propre de moi. Bref, s'il jugeait convenable de réunir nos biens, nous verrions dès le lendemain matin quelle force nous pouvions à nous deux déployer dans le monde, et considérer, en somme, avant de nous décider sur le lieu de notre déplacement, comment nous disposerions de ce que nous avions aussi bien que de nos personnes. Ce discours était trop obligeant, et il était trop homme de sens pour ne pas le recevoir comme il était donné. Il se contenta de répondre qu'en cela nous ferions comme nous en tomberions d'accord ensemble, mais que la question qui appelait présentement notre attention était de montrer non seulement de la gratitude, mais aussi de la charité et de l'affection à notre amie la quakeresse. Et le premier mot qu'il prononça à ce sujet fut de placer 1000 livres sterling à son profit pendant sa vie, ce qui lui faisait 60 livres par an, mais de telle manière que personne autre qu'elle n'eut le pouvoir d'y toucher. C'était agir très grandement, et cela montrait vraiment les principes généreux de mon mari. C'est même pour cette raison que j'en parle ici. Mais je trouvais que c'était un peu trop, particulièrement parce que j'avais autre chose en vue pour elle à propos de l'argenterie. Je lui dis donc que je croyais que s'il lui donnait d'abord comme présent une bourse avec 100 guinées, et qu'il lui fît ensuite la politesse d'une pension annuelle de 40 livres sterling pendant sa vie, garantie de la façon qu'elle le désirerait, ce serait déjà très honnête. Il en convint, et dans la soirée du même jour, comme nous allions aller au lit, il prit ma quakeresse par la main, et en lui donnant un baiser, lui dit que nous avions été traités par elle avec beaucoup de bonté depuis le commencement de cette affaire, et que sa femme l'avait été auparavant, comme elle, c'est-à-dire moi, l'en avait informée. Il se croyait tenu de lui faire voir qu'elle avait obligé des amis capables de gratitude. Pour sa part personnelle dans l'obligation que nous lui avions, il désirait qu'elle acceptât cela comme un témoignage partiel de reconnaissance seulement. Il lui mettait l'or dans la main. Sa femme causerait avec elle de ce qu'il aurait de plus encore à lui dire. Là-dessus, lui donnant à peine le temps de murmurer « Je vous remercie », il monta dans notre chambre à coucher, la laissant toute confuse et ne sachant que dire. Lorsqu'il fut parti, elle se mit à protester avec beaucoup d'honnêteté et d'obligeance de sa bonne volonté à notre égard. Mais, ajoutait-elle, c'était sans aucune attente de récompense. Je lui avais fait plusieurs cadeaux de prix auparavant, et en effet je lui en avais fait, car, outre la pièce de toile que je lui avais donnée dès le commencement, je lui avais donné un service de table en toile damassée, pris sur le linge que j'avais acheté pour mes bals, c'est-à-dire 3 nappes et 3 douzaines de serviettes. Et une autre fois je lui avais donné un petit collier de perles d'or et autre chose semblable. Mais ceci entre parenthèses, elle le rappela cependant, comme je le dis, et aussi combien elle m'avait eu d'obligation en maintes autres circonstances, qu'elle n'était pas en condition de montrer sa gratitude d'aucune autre manière, ne pouvant rendre autant qu'elle avait reçu. Que maintenant nous lui enlevions toute chance de s'acquitter par l'amitié que je lui avais déjà témoignée, et que nous la laissions plus endettée qu'elle ne l'était auparavant. Elle débita cela d'un très bon air, à sa manière, laquelle était vraiment très agréable, et avait autant de sincérité apparente, et même, je le crois, de réelle, qu'il était possible d'en exprimer. Cependant je l'arrêtai, la priant de n'en pas dire davantage, mais d'accepter ce que mon époux lui avait donné, et qui n'était qu'une partie, comme elle l'avait entendu le dire. « Et laissez cela de côté, lui dis-je, mais venez vous asseoir ici, et donnez-moi la permission de vous dire quelque chose encore, sur le même chapitre, une chose que mon épouse et moi nous avons réglée entre nous en votre faveur. » « Que veux-tu dire ? » s'écria-t-elle, en rougissant et en ayant l'air surpris, mais sans bouger. Elle allait parler de nouveau, mais je l'interrompis et lui dis qu'elle ne devait plus s'excuser d'aucune façon, car j'avais à lui causer de choses meilleures que tout cela. Je continuai en lui disant que, puisqu'elle avait été si amicale et si bonne pour nous en toute occasion, que sa maison était le lieu fortuné où nous nous étions unis, et que j'avais été, comme elle ne l'ignorait pas, mise un peu au courant par elle-même de sa position, nous avions résolu que son sort s'améliorerait par nous pour tout le temps de sa vie. Je lui dis alors ce que nous avions décidé de faire pour elle et qu'elle n'avait rien de plus à faire qu'à réfléchir avec moi sur la manière dont cela lui serait le plus efficacement garanti, à part de tout ce qui appartenait à son mari. Si son mari lui fournissait de quoi vivre confortablement et n'avoir pas besoin de cela pour son pain et les autres choses nécessaires, elle n'en ferait pas usage, mais elle en mettrait de côté l'intérêt et l'ajouterait chaque année au principal, de manière à accroître le revenu annuel, qui, avec le temps, et peut-être avant qu'elle vînt à en avoir besoin, pourrait doubler. Nous étions très disposés à consentir à ce que tout ce qu'elle mettrait ainsi de côté fût bien à elle, et à qui elle jugerait bon après elle. Mais les 40 livres par an devraient retourner à notre famille à la fin de sa vie, que nous lui souhaitions l'un et l'autre longue et heureuse. Qu'aucun lecteur ne s'étonne de l'intérêt extraordinaire que je portais à cette pauvre femme, ni de ce que je donne une place dans ce récit à ma libéralité envers elle. Ce n'est pas, je vous l'assure, pour faire parade de ma charité, ni pour faire valoir ma grandeur d'âme et donner d'une manière si prodigue ce qui eût été au-dessus de mes moyens, même avec une fortune 2 fois plus grande. Mais il y avait une autre source d'où tout cela découlait, et c'est pourquoi j'en parle. Était-il possible de penser à une pauvre femme laissée seule avec 4 enfants, dont le mari était parti au loin et qui n'aurait peut-être pas été bon à grand-chose s'il était resté? Étais-je, dis-je, moi qui avais goûté si amèrement les chagrins de cette sorte de veuvage, capable de la voir, de songer à sa position et de n'être pas touché d'une façon toute particulière? Non, non, jamais je ne les voyais, elle et sa famille, bien qu'elle ne fût pas restée si dénuée de secours et d'amis que je l'avais été moi-même, sans me rappeler ma pauvre condition, au temps où j'envoyais Amy mettre en gage mon corset pour acheter une poitrine de mouton et une botte de navet. Je ne pouvais regarder ces pauvres enfants, bien qu'ils ne fussent ni misérables ni languissants comme les miens, sans verser des larmes en songeant à l'épouvantable condition à laquelle ceux-ci étaient réduits, lorsque la pauvre Amy les poussa tous chez leur tante de Spitalfield et les abandonna en courant. Telle était la source primitive, la véritable fontaine d'où sortaient mes pensées d'affection et mon désir de soulager cette pauvre femme. Lorsqu'un pauvre débiteur, après s'être resté longtemps pour dette à Compter ou à Ludgate ou au banc du roi, en sort ensuite, se relève dans le monde et devient riche, un tel homme est, aussi longtemps qu'il existe, un bienfaiteur assuré pour les prisonniers de ses maisons, et peut-être pour toutes les prisons auprès desquelles il passe, car il se rappelle ses propres mots des jours sombres. Et ceux même qui n'ont jamais eu l'expérience de telles douleurs pour éveiller leur esprit à des actes de charité, auraient les mêmes dispositions bonnes et généreuses s'ils se rendaient un compte exact de ce qui les distingue des autres grâce à une favorable et miséricordieuse providence. C'était donc là, je le répète, la source de mon intérêt pour cette honnête, affectueuse et reconnaissante quakeresse. Et comme j'avais une grande fortune en ce monde, je voulais qu'elle goûtât les fruits de ses excellents procédés envers moi, d'une manière à laquelle elle ne s'attendait pas. Pendant tout le temps que je lui parlais, je voyais le désordre de son esprit. Cette joie soudaine était trop pour elle. Elle rougissait, tremblait, changeait de couleur, et à la fin elle devint toute pâle et fut vraiment sur le point de s'évanouir. Mais elle agita précipitamment une petite sonnette pour appeler sa femme de chambre qui vint immédiatement. Et elle lui fit signe, car pour parler elle ne le pouvait, de lui remplir un verre de vin. Mais elle n'eut pas assez d'haleine pour le boire, et elle fut presque étouffée de ce qu'elle en prit dans sa bouche. Je vis qu'elle était malade, et l'aidai de mon mieux, ayant grand-peine à l'empêcher de s'évanouir, avec de l'alcool et des parfums. Cependant, elle fit signe à sa femme de chambre de se retirer, et immédiatement elle éclata en sanglots. Cela la soulagea. Lorsqu'elle fut un peu revenue à elle, elle s'élança vers moi et, me jetant les bras au cou, « Oh, dit-elle, tu m'as presque tuée !» Et elle resta là suspendue, reposant sa tête sur mon cou, pendant près d'un quart d'heure, incapable de parler et sanglotant comme un enfant qui a reçu le fouet. J'étais très contrarié de ne pas m'être arrêté un peu au milieu de mon discours et de ne pas lui avoir fait prendre un verre de vin avant de jeter ses esprits dans une si violente émotion. Mais il était trop tard, et il y avait 10 à parier contre 1 que cela ne la tuerait pas. Elle revint à elle enfin et commença à répondre par d'excellentes paroles à mes marques d'affection. Je ne voulais pas la laisser continuer et lui déclarai que j'avais encore à lui dire plus que tout cela, mais que j'allais la laisser tranquille jusqu'à une autre fois. Je pensais à la boîte d'argenterie dont je lui donnais une bonne part. J'en donnais aussi un peu à Amy, car j'en avais tant, et des pièces si grosses, que je pensais que si je la laissais voir à mon mari, il serait capable de se demander à quel propos j'en avais une si grande quantité et d'un tel genre. Surtout un grand seau pour les bouteilles, qui coûtait 125 livres sterling, et quelques grands candélabres, trop gros pour un usage ordinaire. Ces objets-là, je les fis vendre par Amy. Bref, Amy en vendit pour plus de 300 livres. Ce que je donnais à la quakeresse valait plus de 60 livres. J'en donnais à Amy pour plus de 30 livres, et il m'en resta encore une grande quantité pour mon mari. Et notre libéralité pour la quakeresse ne s'arrêta pas aux 40 livres par an. Car pendant tout le temps que nous restâmes chez elle, c'est-à-dire pendant plus de 10 mois, nous fûmes toujours à lui donner une chose ou l'autre. En un mot, au lieu que nous logions chez elle, c'était elle qui prenait pension chez nous, car je tenais la maison. Elle et toute sa famille mangeaient avec nous, et malgré cela nous lui payions encore le loyer. Bref, je me rappelais mon veuvage, et je me plaisais à cause de cela à réjouir longtemps le cœur de cette veuve. Enfin, mon époux et moi, nous commençâmes à songer à passer en Hollande, où je lui avais proposé de demeurer. Et, afin de bien régler les préliminaires de notre future manière de vivre, je me mis à réaliser toute ma fortune, de façon à avoir tout à notre disposition pour la première occasion que nous jugerions convenable. Après quoi, un matin, j'appelai mon époux près de moi. « Écoutez bien, monsieur, lui dis-je, j'ai 2 questions très graves à vous poser. Je ne sais quelle réponse vous ferez à la première, mais je doute que vous puissiez rien répondre de bien agréable à l'autre. Et cependant, je vous assure, elle est de la dernière importance pour vous et pour l'avenir de votre existence, quelle qu'elle doive être. » Il n'eut pas l'air très alarmé, parce qu'il s'apercevait que je parlais d'un ton assez enjoué. « Attendons vos questions, ma chère, dit-il, et j'y ferai la meilleure réponse que je pourrai. » « Eh bien, pour commencer, dis-je, premièrement, vous avez épousé une femme ici. Vous en avez fait une grande dame, et vous lui avez fait espérer qu'elle serait encore quelque chose de plus quand elle arriverait à l'étranger. Avez-vous examiné, je vous prie, si vous êtes capable de fournir à toutes ces folles demandes quand elle sera là-bas, si vous pourrez entretenir une Anglaise dépensière dans tout son orgueil et toute sa vanité? En un mot, vous êtes-vous en qui si vous sauriez la satisfaire? Secondement, vous avez épousé une femme ici. Vous lui avez donné beaucoup de belles choses. Vous l'entretenez comme une princesse, et quelquefois vous l'appelez de ce nom. Quelle dot, je vous prie, avez-vous eu d'elle? Quelle fortune a-t-elle été pour vous? Et où se trouvent ses propriétés que vous lui faites un tel train de vie? Je crains que vous ne la teniez à un rang bien au-dessus de sa position, du moins au-dessus de ce que vous en avez vu jusqu'ici. Êtes-vous sûr de n'avoir pas mordu à un hameçon, et de n'avoir pas fait une lady d'une meurtre de faim? « Eh bien, dit-il, avez-vous d'autres questions à me faire? Faites-les toutes ensemble. Peut-être pourra-t-on répondre à toutes en quelques mots, comme à ces deux-ci. »« Non, repris-je, voilà mes 2 grandes questions, pour le moment du moins. » Eh bien alors, je vais vous répondre en quelques mots. Je suis absolument le maître de mes propres ressources, et sans plus ample enquête, je puis informer ma femme, dont vous parlez, que si je l'ai faite grande dame, je saurai la tenir sur le pied d'une grande dame, où qu'elle aille avec moi, et sans que j'aie une pistole de sa dot, qu'elle ait une dot ou non. Et puisque je ne me suis pas enquis si elle avait une dot ou non, je ne lui en témoignerai pas moins de respect. Je ne l'obligerai pas à vivre plus médiocrement ou à se priver en rien à cause de cela. Au contraire, si elle va à l'étranger pour vivre avec moi dans mon pays natal, je la ferai plus qu'une grande dame, et j'en supporterai les frais, sans m'inquiéter de quoi que ce soit qu'elle puisse avoir. Et ceci, je suppose, ajouta-t-il en finissant, contient la réponse à vos deux questions ensemble. Il avait en parlant un air beaucoup plus sérieux que je n'avais en lui posant ces questions. Il dit encore à ce sujet beaucoup de choses pleines d'amitié, comme conséquence de nos conversations antérieures, de sorte que je fus obligée de devenir sérieuse également. Mon ami, lui dis-je, je ne faisais que plaisanter avec mes questions. Je voulais poser pour amener ce que j'allais vous dire sérieusement, à savoir que si je dois aller à l'étranger, il est temps que je vous fasse savoir l'état des choses et ce que j'ai à vous apporter comme votre femme. Que nous voyons comment on doit en disposer, le placer et le reste. Venez donc, asseyez-vous, et laissez-moi vous montrer le marché que vous avez fait. J'espère que vous verrez que vous n'avez pas pris une femme sans fortune. Alors il me dit que, puisqu'il voyait que j'étais sérieuse, il désirait que je remisse l'affaire au lendemain. Nous ferions alors comme font les pauvres gens après leur mariage, qui tâtent dans leurs poches et voient combien d'argent ils apportent ensemble dans le monde. Très bien, lui dis-je, de tout mon cœur. Et la conversation s'arrêta là-dessus pour cette fois. Ceci se passait le matin. Mon époux alla après dîner chez son orfèvre, dit-il, et au bout de 3 heures, il en revint avec un porteur chargé de 2 grandes boîtes. Son domestique portait une autre boîte aussi lourde, à ce que je remarquai, que les deux du porteur, et sous laquelle le pauvre garçon suait de toutes ses forces. Il renvoya le porteur, et un petit moment après, il sortit de nouveau avec son domestique. Il revint à la nuit, amenant un autre porteur avec d'autres boîtes et paquets, et le tout fut monté et enfermé dans une chambre à côté de notre chambre à coucher. Le lendemain matin, il demanda une table ronde assez grande et se mit à déballer. Lorsque les boîtes furent ouvertes, je vis qu'elles étaient pleines surtout de livres, de papiers et de parchemins. Je veux dire des livres de contes, des écrits et choses semblables qui n'avaient en eux-mêmes aucune importance pour moi, parce que je n'y comprenais rien. Cependant, je le vis les sortir tous, les éparpiller autour de lui sur la table et les chaises, et être très affairé au milieu de tout cela. C'est pourquoi je me retirai et le laissai seul. Il était en effet tellement occupé qu'il ne s'aperçut de ma disparition qu'un bon moment après. Mais lorsqu'il eut passé en revue tous ses papiers et qu'il en fut venu à ouvrir une certaine petite boîte, il me rappela. Maintenant, dit-il en m'appelant sa comtesse, je suis prêt à répondre à votre première question. Si vous voulez vous asseoir jusqu'à ce que j'aie ouvert cette boîte, nous verrons où en sont les choses. Il ouvrit donc la boîte, et vraiment elle contenait ce à quoi je ne m'attendais pas, car je croyais qu'il avait écorné plutôt qu'augmenté sa fortune. Mais il me montra en billets d'orfèvre et en valeur, sur la Compagnie anglaise des Indes orientales, environ 16 000 livres sterling. Puis il me mit en main 9 assignations sur la Banque de Lyon en France et 2 sur les rentes de l'Hôtel de Ville à Paris, montant ensemble à 5 800 couronnes par an, ou de revenus annuels, comme on dit là-bas. Et enfin la somme de 30 000 rix thaler sur la banque d'Amsterdam, sans compter des bijoux et de l'or dans la boîte, pour une valeur de 15 ou 16 000 livres sterling, parmi lesquelles se trouvait un très beau collier de perles, valant environ 200 livres. Il le tira et l'attacha à mon cou, disant qu'il ne figurerait pas à l'inventaire. J'étais aussi contente que surprise. Et c'était avec une joie inexprimable que je le voyais si riche. Vous pouviez bien me dire, m'écriai-je, que vous étiez capable de me faire comtesse et de me tenir à la hauteur de ce rang. Bref, il était immensément riche, car outre ceci, il me montra, et c'était la raison pour laquelle il avait été si affairé avec ses livres, il me montra, dis-je, différentes entreprises qu'il avait à l'étranger comme commerçant. Ainsi, en particulier, une part d'un 1/8 dans un vaisseau pour les Indes orientales, alors en mer, un compte courant avec un marchand de Cadix en Espagne, environ 3 000 livres sterling prêtés à la grosse sur des navires partis pour les Indes, et une grande cargaison de marchandises consignées à un marchand pour être vendues à Lisbonne en Portugal. De sorte que ces livres portaient environ 12 000 livres de plus, ce qui, mis tout ensemble, faisait à peu près 27 000 livres sterling et 1 320 livres par an. Je restai stupéfaite, et cela se comprend, devant ses comptes, et ne lui dis rien pendant un bon moment, d'autant plus que je le voyais encore occupé à regarder ses livres. Au bout d'un instant, comme j'allais exprimer mon émerveillement, « Tenez, ma chère, dit-il, ce n'est pas encore tout. » Et alors, il tira quelques vieux seaux et de petits rouleaux de parchemin que je ne comprenais pas. Mais il me dit que c'était un droit de réversion qu'il possédait sur un domaine patrimonial dans sa famille et une hypothèque de 14 000 rix thalers assise sur ce domaine entre les mains du présent possesseur. C'était donc environ 3 000 livres sterling de plus. « Mais écoutez encore, dit-il, il faut que je paye mes dettes sur tout cela, et elles sont très grosses, je vous assure. » La première, dit-il alors, était une mauvaise affaire de 8 000 pistoles pour laquelle il avait eu un procès à Paris. Sentence avait été donnée contre lui, et c'était là la perte dont il m'avait parlé qui lui avait fait quitter Paris de dégoût. Il devait par ailleurs environ 5 300 livres sterling de valeur argent. Il avait encore au total 17 000 livres nettes, mais après tout, et 1 320 livres de rente. Après un instant de silence, ce fut à mon tour de parler. « Eh bien, dis-je, il est dur en vérité qu'un gentleman possédant une telle fortune soit venu jusqu'en Angleterre pour épouser une femme qui n'a rien. En tout cas, il ne sera pas dit que ce que j'ai, quoi qu'il soit, je ne l'apporterai pas au fond commun. » Et là-dessus, je commençai à produire mes pièces. D'abord, je tirai l'hypothèque que le bon Sir Robert m'avait procurée d'un revenu annuel de 700 livres, d'un principal de 14 000 livres. En second lieu, je tirai une autre hypothèque territoriale, procurée par le même fidèle ami, qui, à 3 reprises, avait avancé 12 000 livres. Troisièmement, je lui exhibai un paquet de petites valeurs obtenues de divers côtés, revenus de ferme et autres petites hypothèques, comme on en trouvait en ce temps-là, montant à 10 800 livres en principal et donnant 636 livres par an. De sorte qu'en tout, il y avait 2 056 livres par an de rentrées constantes en argent comptant. Lorsque je lui eus montré tout cela, je le déposai sur la table et le priai de le prendre, afin qu'il pût me donner une réponse à la seconde question. Quelle fortune avait-il de sa femme? Et je me mis à rire un peu. Il regarda les papiers une minute, et puis me les tendit tous en disant « Je n'y toucherai pas, pas à un seul, avant que tout soit solidement placé en main sûre, pour votre propre usage et entièrement sous votre administration. Je ne saurais omettre ce que j'éprouvais pendant que tout cela se passait. Quoique ce fût joyeuse besogne après tout, je tremblais cependant dans toutes mes articulations, plus que ne fit jamais, je suppose, Balthazar à la vue des caractères écrits sur sa muraille. Et j'en avais certes d'aussi justes motifs. Pauvre misérable, me disais-je, est-ce que ma richesse mal acquise, produit d'une débauche prospère, d'une ignoble et vicieuse existence de prostitution et d'adultère, va être mêlée à la fortune honnête et bien gagnée de cet intègre gentleman, pour y faire l'effet d'une teigne et d'une chenille, et attirer les jugements du ciel sur lui et sur ce qu'il possède à cause de moi? Ma perversité flétrira-t-elle son bonheur? Serais-je pour lui comme le feu dans le lin? Un instrument pour provoquer le ciel à maudire ses joies? Dieu m'en préserve, je tiendrai ses richesses à l'écart, si c'est possible. Telle est la véritable raison pour laquelle j'ai donné tant de détails sur la vaste fortune que j'avais acquise. Et voilà comment c'est bien, résultat sans doute de maintes années d'heureuse industrie, et qui étaient égaux, sinon supérieurs aux miens, furent, à ma prière, tenus séparés des miens, comme je viens de l'indiquer ci-dessus. Je vous ai raconté comment il m'avait remis en main tous mes papiers. « Eh bien, lui dis-je, puisque je vois que vous voulez que cela soit gardé à part, il en sera ainsi, à une condition que j'ai à vous proposer, et pas à d'autres. » « Et quelle est cette condition ?»« Voici, le seul prétexte que j'ai pour garder ma fortune à part, c'est qu'au cas de votre mort, je puisse l'avoir en réserve pour moi, si je vous survis. »« Bien, dit-il, c'est vrai. » Mais alors, repris-je, c'est toujours le mari qui reçoit le revenu annuel pendant sa vie, pour l'entretien général de la famille, on le suppose du moins. Eh bien, voici 2 000 livres par an, ce qui est, je crois, autant que nous en dépensons, et je désire que rien n'en soit économisé. Ainsi, tout le revenu de votre fortune, l'intérêt des 17 000 livres et les 1 320 livres par an pourront être constamment mis de côté pour l'accroissement de vos biens. De cette façon, en ajoutant chaque année l'intérêt au capital, vous deviendrez peut-être aussi riche que si vous faisiez le commerce avec tous vos fonds, en étant obligé de tenir en même temps un train de maison. La proposition lui plut, et il dit qu'il en serait ainsi. De cette manière, je me persuadai jusqu'à un certain point que je n'attirerais pas sur mon mari le courroux d'une juste providence en mêlant ma richesse mal acquise à son honnête fortune. Je fus conduite à agir ainsi par les réflexions qui, à certains intervalles, naissaient dans mon esprit sur la justice du ciel, laquelle, j'avais lieu de m'y attendre, tomberait à un moment ou l'autre sur moi ou sur mes biens, en punition de l'épouvantable vie que j'avais vécue. Et que personne ne conclût de l'étrange prospérité que j'avais rencontrée dans toutes mes actions perverses et de la vaste fortune que j'en avais tirée. Que je fusse pour cela heureuse ou tranquille. Non, non, j'avais un dard enfoncé dans le foie, j'avais en moi un secret enfer, même pendant tout le temps que notre joie semblait au plus haut, et surtout maintenant, après que tout était fini et que, suivant toute apparence, j'étais une des plus heureuses femmes de la terre. Pendant tout ce temps, je le répète, mon esprit était sous le coup d'une terreur constante, qui me donnait des sursauts terribles et me faisait m'attendre à quelque chose d'effrayant, à chacun des accidents ordinaires de la vie. En un mot, il ne faisait jamais d'éclair ni de tonnerre que je ne crusse que le prochain coup allait pénétrer mes organes vitaux et fondre la lame, mon âme, dans son fourreau de chair. Jamais un ouragan ne soufflait que je ne crusse que la chute de quelque tuyau de cheminée ou de toute autre partie de la maison allait m'ensevelir sous ses ruines. Et il en était de même pour les autres choses. Mais j'aurai peut-être occasion de reparler de tout ceci plus tard. La question que nous avions à considérer était en quelque sorte réglée. Nous avions amplement 4 000 livres sterling par an pour notre subsistance future, sans compter une grosse somme en joyaux et en argenterie. Outre cela, j'avais environ 8 000 livres d'argent en réserve que je lui dissimulais pour établir mes deux filles, dont j'ai encore beaucoup à parler. C'est avec cette fortune, assise comme vous l'avez vu, et avec le meilleur mari du monde, que je quittai de nouveau l'Angleterre. Non seulement j'avais, par prudence humaine et par la nature même des choses, étant mariée et établie d'une si magnifique façon, j'avais non seulement, dis-je, abandonné tout à fait la ligne de conduite dissipée et coupable que j'avais suivie auparavant, mais je commençais à la regarder derrière moi avec cette horreur et cette détestation qui est la compagne assurée, sinon l'avant-coureur, du repentir. Quelquefois les prodiges de ma position présente opéraient sur moi, et mon âme avait des ravissements à propos de la facilité avec laquelle j'étais sortie des bras de l'enfer, et de ce que je n'étais pas engloutie dans la ruine définitive, comme le sont au commencement ou à la fin la plupart de celles qui mènent une telle vie. Mais c'était là un essor trop haut pour moi, je n'en étais pas arrivée à ce repentir qui s'élève du sentiment de la bonté céleste. Je me repentais du crime, mais c'était une sorte de repentir moins noble, excité plutôt par la crainte du châtiment que par le sentiment que la punition m'avait été épargnée et que j'avais heureusement touché terre après la tempête. Événement après notre arrivée à La Haye, où nous demeurâmes quelque temps, fut que mon époux me salua un matin du titre de comtesse, comme il avait dit qu'il avait l'intention de le faire, en se faisant transférer l'héritage auquel cette dignité était attachée. Il est vrai que ce n'était qu'une réversion, mais celle ne tarda pas à se produire, et comme tous les frères d'un comte sont appelés comtes, j'eus le titre par courtoisie 3 ans environ avant de l'avoir en réalité. Je fus agréablement surprise que cela vînt si tôt. Et j'aurais voulu que mon époux prît sur mes biens l'argent qu'il y avait dépensé. Mais il rit de moi et alla son train. J'étais alors au sommet de ma gloire et de ma prospérité. On m'appelait la comtesse de... J'avais obtenu sans le chercher ce à quoi je visais en secret, et c'était réellement la principale raison qui m'avait fait venir à l'étranger. Je pris alors un domestique plus nombreux. Je vécus dans une sorte de magnificence que je ne connaissais pas. On m'appelait votre honneur à chaque mot. J'avais une couronne derrière mon carrosse, quoiqu'en même temps je ne susse pas grand-chose, rien du tout même, de mon nouvel arbre généalogique. La première chose que mon époux prit sur lui d'arranger fut de déclarer que nous nous étions mariés 11 ans avant notre arrivée en Hollande et conséquemment de reconnaître comme légitime notre petit garçon qui était encore en Angleterre, de donner des ordres pour le faire venir et de l'ajouter à sa famille en le reconnaissant pour nôtre. Voici comment il s'y prit. Il avertit ses parents de Nimègue, où ses enfants, 2 fils et 1 fille, étaient élevés, qu'il venait d'Angleterre et qu'il était arrivé à La Haye avec sa femme, qu'il y resterait quelque temps et qu'il désirait qu'on lui amenât ses 2 fils. Il fut fait comme il le demandait, et je les accueillis avec toute la bonté et la tendresse qu'ils pouvaient attendre de leur belle-mère et d'une belle-mère qui prétendait l'être depuis qu'ils avaient 2 ou 3 ans. Il ne fut pas difficile du tout de faire admettre que nous étions mariés depuis si longtemps dans un pays où l'on nous avait vus ensemble vers cette époque, c'est-à-dire 11 ans et demi auparavant, et où l'on ne nous avait plus jamais vus ensuite, si ce n'est depuis que nous étions revenus ensemble. Et ce fait d'avoir été vus ensemble autrefois était ouvertement reconnu et proclamé par notre ami le marchand de Rotterdam, et aussi par les gens de la maison où nous demeurions l'un et l'autre dans la même ville et où notre première intimité commença, lesquels se trouvèrent par hasard tous encore vivants. Aussi, pour mieux le publier, nous fîmes un voyage à Rotterdam et logeâmes dans la même maison. Notre ami le marchand vint nous y rendre visite. Il nous invita ensuite fréquemment chez lui et nous traita fort honnêtement. Cette conduite de mon époux, qu'il mena avec une grande habileté, était véritablement une marque d'un merveilleux degré d'honnêteté et d'affection pour notre petit garçon, car tout cela était fait purement dans l'intérêt de l'enfant. J'appelle cela une affection honnête, parce que c'était par un principe d'honnêteté qu'il s'intéressait si sérieusement à prévenir le scandale qui serait autrement tombé sur l'enfant, tout innocent qu'il était. C'était par ce principe d'honnêteté qu'il m'avait si vivement sollicité et conjuré, au nom des sentiments naturels d'une mère, de l'épouser lorsque l'enfant était encore à peine conçu dans mon sein, afin qu'il ne souffrît pas du péché de son père et de sa mère. Aussi, bien qu'il m'aimât réellement beaucoup, j'avais cependant lieu de croire que c'était par ce même principe de justice envers l'enfant qu'il était revenu en Angleterre me chercher, avec le dessein de m'épouser, et, comme il disait, de sauver l'innocent agneau d'une infamie pire que la mort. C'est en m'adressant un juste reproche que je dois répéter encore que je ne lui portais pas le même intérêt, quoique ce fût l'enfant de ma propre chair. Mais je n'eus jamais pour cet enfant l'amour cordial et tendre qu'il avait. Quelle en était la raison, je ne saurais le dire. J'avais, il est vrai, montré une négligence générale à son endroit pendant toutes les années dissipées de mes fêtes de Londres, si ce n'est que j'envoyais Amy s'informer de lui de temps en temps et payer sa nourrice. Quant à moi, c'est à peine si je l'avais vu 4 fois pendant les 4 premières années de sa vie, et j'avais souvent souhaité qu'il s'en allât tranquillement de ce monde. Au contraire, je prenais un soin tout autre d'un fils que j'avais eu du joaillier, et je lui montrais un tout autre intérêt, bien que je ne me fisse pas connaître de lui. En effet, j'avais subvenu parfaitement à tous ses besoins, je lui avais fait donner une très bonne éducation, et quand il avait été d'âge convenable, je l'avais fait partir avec une personne honnête et dans de bonnes affaires pour les Indes orientales. Et là, lorsqu'il y eut été quelque temps, et qu'il commença à opérer à son compte, je lui envoyais en différentes fois la valeur de plus de 2000 livres sterling, avec quoi il fit le commerce et s'enrichit. Et il faut l'espérer, il pourra revenir à la fin avec 40 ou 50 000 livres dans sa poche, comme beaucoup l'ont fait, qui n'avaient pas eu un tel encouragement à leur début. Je lui envoyais aussi là-bas une femme, une belle jeune fille, bien élevée, extrêmement bonne et agréable. Mais le jeune dégoûté ne la trouva pas à son goût, et il eut l'impudence de m'écrire, j'entends d'écrire à la personne que j'employais pour correspondre avec lui, de lui en envoyer une autre, promettant de marier celle que je lui avais adressée à un de ses amis, qu'il l'aimait mieux que lui ne le faisait. Mais je pris la chose si mal que, non seulement, je ne voulus point lui en envoyer d'autre, mais que j'arrêtai une nouvelle valeur de 1000 livres que j'étais disposé à lui faire tenir. Il réfléchit ensuite et offrit de l'épouser. Mais à son tour, elle avait tellement ressenti le premier affront qu'il lui avait infligé qu'elle ne voulut pas de lui et je lui fis écrire que je trouvais qu'elle avait bien raison. Toutefois, après qu'il lui eut fait sa cour pendant 2 ans, et grâce à l'entremise de quelques amis, elle l'épousa et fit une excellente femme, comme je savais qu'elle le ferait. Mais jamais je ne lui envoyai la cargaison de 1000 livres dont je viens de parler. De sorte qu'il perdit cette somme pour m'avoir offensé et qu'à la fin il prit la dame sans l'argent. Mon nouvel époux et moi, nous vivions d'une vie très régulière et contemplative. Et certes, c'était en soi une vie pleine de toute humaine félicité. Mais si je regardais ma situation avec satisfaction, ce qu'assurément je faisais, je regardais en toute occasion les choses d'autrefois avec une détestation proportionnée et avec la plus extrême affliction. Et vraiment alors, et cela pour la première fois, ces réflexions commençaient à entamer mon bonheur et à diminuer la douceur de mes autres jouissances. On peut dire qu'elles avaient rongé un trou dans mon cœur auparavant, mais maintenant elles le transperçaient de part en part. Elles le mettaient leurs dents à tous mes plaisirs, rendaient amère toute douceur, et me faisaient soupirer au milieu de chaque sourire. Ni toute l'affluence d'une abondante fortune, ni la possession de 100 000 livres sterling, car à nous deux nous n'avions guère moins, ni les honneurs et les titres, ni les serviteurs et les équipages, ni, en un mot, toutes ces choses que nous appelons le plaisir, ne pouvaient m'offrir aucune saveur ni m'adoucir le goût des choses. Cela alla au point qu'à la fin je devins triste, lourde, pensive et mélancolique. Je dormais peu, je mangeais peu, je rêvais continuellement les plus effrayantes et les plus terribles choses imaginables, rien que des apparitions de démons et de monstres, des chutes dans des gouffres du haut de précipices élevés et abrupts, et autres accidents semblables. Si bien que le matin, lorsque j'aurais dû me lever rafraîchi par le bienfait du repos, j'étais harcelé d'épouvantements et de choses terribles uniquement formées dans mon imagination, tantôt fatigué et ayant besoin de dormir, tantôt accablé de vapeur et incapable de m'entretenir avec ma famille ou avec toute autre personne. Mon mari, l'être le plus tendre du monde, surtout à mon égard, était très inquiet et faisait tout ce qui était en son pouvoir pour m'encourager et me remettre. Il s'efforçait de me guérir en me raisonnant. Il essayait tous les moyens possibles de me distraire, mais tout cela ne servait à rien ou à bien peu. Mon seul soulagement était quelquefois de m'épancher dans le sein de la pauvre Amy lorsque nous étions seuls, elle et moi, et elle faisait tout ce qu'elle pouvait pour me réconforter. Mais cela n'avait pas grand effet venant de sa part, car bien qu'Amy fût la plus pénitente d'abord, quand nous avions été dans la tempête, elle était restée ce qu'elle avait coutume d'être, une folle, dissipée, débauchée coquine, que l'âge n'avait pas rendue beaucoup plus sérieuse. Car Amy avait à ce moment entre 40 et 50 ans, elle aussi. Mais reprenons ma propre histoire. De même que je n'avais personne pour m'encourager, je n'avais personne pour me conseiller. Il était heureux, je l'ai souvent pensé, que je ne fusse pas catholique romaine. Quelle jolie besogne j'aurais faite, en effet, d'aller trouver un prêtre avec une histoire telle que celle que j'aurais eue à lui dire. Et quelle pénitence tout père confesseur ne m'aurait-il pas obligé à accomplir, surtout s'il avait été honnête et fidèle au devoir de sa charge. Cependant, n'ayant rien de ce recours, je n'avais rien non plus de l'absolution grâce à laquelle le criminel qui se confesse s'en va réconforté. Mais je marchais le cœur chargé de crimes et dans l'obscurité la plus complète sur ce que j'avais à faire. Je languis dans cet état près de 2 ans. Je puis bien dire languir, car si la Providence ne m'avait pas secouru, je n'aurais pas tardé à mourir. Mais nous reviendrons sur ce sujet. Il faut maintenant retourner à une autre scène et la réunir à cette partie de mon histoire qui finira tout ce qui, pour moi, se rapporte à l'Angleterre, du moins tout ce que j'en mettrai dans ce récit. J'ai indiqué en gros ce que j'avais fait pour mes deux fils, l'un à Messine, l'autre aux Indes. mais je n'ai pas été jusqu'au bout de l'histoire de mes deux filles. Je courais tellement le danger d'être reconnue par une d'elles que je n'osais pas la voir, de peur de lui faire savoir qui j'étais. Quant à l'autre, je ne pouvais guère trouver aucun moyen de la voir, de la reconnaître, ni de la laisser me voir, parce qu'elle aurait alors nécessairement su que je ne voulais pas me faire connaître de sa sœur, ce qui aurait paru étrange. Si bien que, tout considéré, je me déterminai à ne voir ni l'une ni l'autre. Mais Amy arrangea tout pour moi. Après en avoir fait deux dames en leur donnant une bonne, quoique tardive éducation, elle fut sur le point de tout perdre, et elle et moi en même temps, en se découvrant malheureusement à la dernière d'entre elles, c'est-à-dire à celle qui avait été notre cuisinière, et que, comme je l'ai dit plus haut, Amy avait été obligée de mettre à la porte dans la crainte de cette découverte qui précisément arrivait. J'ai déjà indiqué comment Amy s'occupait d'elle par une tierce personne, et comment la jeune fille, lorsqu'elle eût été mise sur le pied d'une demoiselle, était venue faire visite à Amy chez moi. C'est après cela qu'Amy, allant, suivant sa coutume, voir le frère de la jeune fille, mon fils, chez l'honnête homme de Spitalfields, il se trouva que les deux filles étaient là en même temps, par pur hasard. Et la seconde, sans y prendre garde, découvrit le secret, à savoir que c'était là la dame qui avait tout fait pour elle. Amy se trouva fort surprise, mais voyant qu'il n'y avait pas de remède, elle tourna la chose en plaisanterie et dès lors s'entretint avec elle librement, continuant à être persuadée que ni l'une ni l'autre ne pourrait tirer grand parti de ce secret tant qu'elle ne saurait rien de moi. En conséquence, elle les prit ensemble un jour et leur raconta l'histoire, comme elle disait, de leur mère, la commençant lorsqu'elles avaient été si misérablement transportées chez leur tante. Elle déclara qu'elle n'était pas leur mère et elle leur fit son portrait. Lorsqu'elle dit qu'elle n'était pas leur mère, une d'elles exprima une grande surprise car elle s'était fortement mis dans l'esprit qu'Amy était réellement sa mère et que, pour quelque raison particulière, elle se cachait d'elle. Aussi, lorsque Amy lui dit franchement qu'elle n'était pas sa mère, la fille se prit à pleurer et Amy eut beaucoup de peine à la remettre. Quand Amy l'eut un peu ramenée à elle et qu'elle fut revenue de son premier trouble, Amy lui demanda ce qu'elle avait. La pauvre fille se suspendit à elle et l'embrassa. Elle était encore si émue, quoique ce fût une grande fille de 19 ou 20 ans, qu'on ne put la faire parler pendant un grand moment. À la fin, retrouvant sa langue, elle s'écria. « Oh, mais ne me dites pas que vous n'êtes pas ma mère, je suis sûre que vous êtes ma mère !» Et elle se remettait à pleurer comme si elle avait dû en mourir. Amy fut assez longtemps sans savoir ce qu'elle avait à faire d'elle. Elle hésitait à lui dire qu'elle n'était pas sa mère parce qu'elle ne voulait pas la rejeter dans un nouvel accès de crise. Elle prit un léger détour et lui dit « Mes enfants, pourquoi voudriez-vous que je fusse votre mère? Si c'est parce que je suis si bonne envers vous, soyez tranquille, ma chère enfant. Je continuerai à être aussi bonne envers vous que si j'étais votre mère. » « Oui, oui, reprit la jeune fille, mais je suis sûre que vous êtes aussi ma mère. Et qu'ai-je fait pour que vous ne vouliez pas me reconnaître, pour que vous ne vouliez pas être appelée ma mère? Bien que je sois pauvre, vous avez fait de moi une femme bien élevée, et je ne ferai rien qui vous déshonore. Et puis, ajouta-t-elle, je sais garder un secret, surtout pour ma mère, bien sûr. » Et la voilà qui appelle Amy sa mère, qui se suspend de nouveau à son cou et se reprend à pleurer violemment. Ces dernières paroles de la jeune fille alarmèrent Amy et, comme elle me le dit, l'effrayèrent terriblement. Elle en fut même si confondue qu'elle ne put se maîtriser ni cacher son trouble à la fille, comme vous allez le voir. Elle se trouva arrêtée court et confuse au dernier point. La fille, adroite friponne, s'en prévalut aussitôt. « Ma mère chérie, dit-elle, ne vous tourmentez pas de cela. Je sais tout, mais ne vous tourmentez pas. Je ne dirai pas un mot à ma sœur, ni à mon frère sans votre permission. Mais ne me reniez pas maintenant que vous m'avez retrouvée. Ne vous cachez pas de moi plus longtemps. Je ne pourrai le supporter. Cela me brise le cœur. » « La fille est folle, je crois, dit alors Amy. Mes enfants, je te dis que si j'étais ta mère, je ne te renierais pas. Ne voyez-vous pas que je suis aussi bonne pour vous que si j'étais votre mère ?» Mais Amy aurait aussi vite fait de chanter « Femme sensible » sur l'air de Malbrou que de lui parler. « Oui, répondit-elle, vous êtes très bonne avec moi, en vérité. » Et elle ajouta que cela suffirait pour faire croire à tout le monde qu'elle était bien sa mère. Mais ce n'était pas encore là le cas. Elle avait d'autres raisons pour croire et pour savoir qu'Amy était sa mère. Et c'était une chose triste qu'elle ne voulut pas se laisser appeler ma mère par elle qui était son propre enfant. Amy avait le cœur si plein de troubles et d'émotions qu'elle ne chercha pas à avoir plus de renseignements, ce qu'elle aurait fait en d'autres circonstances. Je veux dire des renseignements sur ce qui rendait la fille si affirmative. Mais elle partit et accourut me raconter toute l'histoire. J'en fus tout d'abord comme foudroyé, et encore plus ensuite comme vous le verrez. Mais tout d'abord, je le répète, je fus comme foudroyée et stupéfaite, et je dis à Amy, « Il doit y avoir là-dessous quelque chose que nous ne savons pas. » Mais après y avoir réfléchi plus profondément, je reconnus que la fille n'avait aucune idée de personne en dehors d'Amy. Et je fus heureuse de ne pas me trouver mêlée dans l'affaire et de ce que la fille n'avait aucune donnée à mon sujet. Deux fois, cette tranquillité ne dura pas longtemps, car lorsque Amy retourna la voir, elle se comporta de même et se montra même plus violente qu'elle ne l'avait été auparavant. Amy s'efforça de la calmer par tous les moyens imaginables. Elle lui dit d'abord qu'elle trouvait mauvais qu'elle ne la crût pas, et enfin que si elle ne voulait pas renoncer à une si folle fantaisie, elle l'abandonnerait et la laisserait seule dans le monde comme elle l'avait trouvé. Cela donna des crises à la fille. Elle poussa des cris à se tuer et se suspendit au cou d'Amy comme une enfant. « Eh bien, lui dit celle-ci, pourquoi ne pouvez-vous pas être tranquille avec moi et me laisser vous faire du bien et vous témoigner de l'affection, comme je le ferai, comme j'ai l'intention de le faire? Pouvez-vous croire que si j'étais votre mère, je ne vous le dirais pas? Quelle fantaisie possède votre esprit ?» Là-dessus, la fille lui dit en peu de mots, mais ce peu de mots effraya Amy jusqu'à lui en faire perdre l'esprit et eut le même effet sur moi, qu'elle savait parfaitement ce qu'il en était. « Je sais, dit-elle, lorsque vous avez quitté... » Elle nommait le village où je demeurais quand mon père est parti, que vous êtes passé en France. Je sais très bien cela. Et avec qui vous vous en êtes allé? Milady Roxana n'est-elle pas revenue avec vous? Je sais tout cela suffisamment. Quoique je ne fusse qu'une enfant, j'ai tout entendu. » Et elle continua à parler de la sorte, si bien qu'Amy perdit de nouveau toute possession d'elle-même. Elle entra contre elle dans un accès de rage digne d'une échappée de Bedlam. Elle lui dit qu'elle ne l'approcherait plus jamais, qu'elle pouvait retourner mendier si elle voulait, que, quant à elle, Amy, elle ne voulait plus du tout avoir affaire à elle. La fille, créature passionnée, lui répliqua qu'elle avait l'expérience des pires choses qu'elle pouvait rentrer en service, et que, si elle ne voulait pas l'avouer pour son enfant, elle n'avait qu'à faire ce qui lui plaisait. Puis elle eut encore un accès de crise et de larmes, comme si elle eût voulu se tuer. Bref, cette conduite de la jeune fille terrifia Amy au dernier point, et moi aussi. Quoique nous vissions qu'elle se trompait complètement sur certaines choses, elle était tellement dans la vérité sur d'autres que cela me mettait dans une grande perplexité. Mais ce qui en causait le plus à Amy, c'est que la fille, ma fille à moi, lui avait dit qu'elle, c'est-à-dire moi, sa mère, était partie avec le joaillier pour la France. Elle ne l'appelait pas la joaillier, mais le maître de la maison, lequel, après que sa mère était tombée dans la misère et qu'Amy avait emmené tous ses enfants loin d'elle, lui avait montré beaucoup d'affection et l'avait ensuite épousée. En résumé, il était clair que la fille n'avait que des détails incohérents sur les choses, mais qu'elle possédait cependant des renseignements ayant un fond de réalité. De sorte qu'à ce qu'il semblait, nos premières dispositions et mon amour avec le joaillier n'étaient pas si cachés que je l'avais cru. Cela avait sans doute transpiré jusqu'à ma belle-sœur, qui avait fait quelque scandale à ce propos, je suppose. Mais la chance avait voulu qu'il fût trop tard. J'avais déjà déménagé et était parti, personne ne savait tout, sans quoi elle m'aurait renvoyé tous les enfants à coup sûr. Nous comprîmes cela par les discours de la fille, c'est-à-dire Amy le comprit peu à peu. Mais ce n'étaient que des fragments d'histoire sans suite que la fille avait entendu, il y avait de cela si longtemps qu'elle ne pouvait guère rien comprendre elle-même, si ce n'est, en somme, que sa mère avait fait la catin, était partie avec le gentleman propriétaire de la maison qui l'avait épousée et qu'elle était allée en France. Et comme elle avait appris dans ma maison, quand elle y était servante, que Mrs. Amy et sa maîtresse, Lady Roxana, avaient été en France toutes les deux, elle mettait toutes ces choses ensemble et, les rapprochant de la grande bonté qu'Amy lui témoignait maintenant, la pauvre créature se persuadait que celle-ci était réellement sa mère. Et il fut pendant longtemps impossible à Amy de la convaincre du contraire. Mais lorsque j'y eus réfléchi, autant que je pouvais le faire d'après ce que je saisissais dans les rapports d'Amy, ceci ne m'inquiétait pas la moitié tant que le fait que la jeune Péronnelle eût, après tout, retenu le nom de Roxana, qu'elle sût qui était Lady Roxana et le reste. Bien que ces notions ne se tinssent pas non plus, car alors elle n'aurait pas fixé son espoir sur Amy comme étant sa mère. Cependant, au bout de quelque temps, comme Amy l'avait presque dissuadée, et qu'elle commençait à confondre tout ce qu'elle disait là-dessus, de sorte que ses discours n'avaient plus ni queue ni tête, cette créature passionnée fut prise d'une espèce d'accès de rage et dit à Amy que, si elle n'était pas sa mère, c'était Madame Roxana qui était sa mère alors, car l'une d'elles deux était sa mère. Elle en était sûre. Et tout ce qu'Amy avait fait pour elle était fait par ordre de Madame Roxana. « Et je suis sûre, ajouta-t-elle, que c'est le carrosse de Lady Roxana qui a amené la dame, quelle qu'elle fût, chez mon oncle à Spitalfield, car le cocher me l'a dit. » Amy lui éclata de rire au nez suivant son habitude, mais comme elle nous le dit, elle ne riait que d'un côté de la bouche, car elle était si confondue de ce discours qu'elle aurait voulu disparaître sous terre. Et de même de moi lorsqu'elle me le raconta. Cependant, Amy paya des fronteries. « Eh bien, lui dit-elle, puisque vous croyez que vous êtes la fille de Milady Roxana, vous pouvez bien aller la trouver et vous réclamer de votre parenté, n'est-ce pas? Je suppose que vous savez où la prendre. » Elle lui répondit qu'elle ne doutait point de la trouver, car elle savait où elle était allée vivre dans la retraite. Il est vrai, cependant, qu'elle pouvait avoir encore déménagé. « Car, dit-elle avec une sorte de sourire et de grimace, je sais ce qu'il en est, je sais tout ce qu'il en est, très suffisamment. » Amy était tellement excitée qu'elle me dit en deux mots qu'elle finissait par croire qu'il serait absolument nécessaire de l'assassiner. Cette expression me remplit d'horreur. Tout mon sang se glaça dans mes veines et je fus en proie à un tel tremblement que, pendant un bon moment, je ne pus parler. À la fin, je m'écriai. « Quoi ? Est-ce que le démon est en vous, Amy ?»« Oui, oui, reprit-elle, que ce soit le démon ou pas le démon, si je savais qu'elle connût une syllabe de notre histoire, je l'expédierai, quand ce serait mille fois ma propre fille. Et moi, dis-je furieuse, aussi vrai que je vous aime, je serai la première à vous mettre la corde au cou, et je vous ferai pendre avec plus de plaisir que je n'en ai jamais eu à vous regarder de ma vie. Mais non, vous ne vivriez pas assez pour être pendu. Je crois que je vous couperai la gorge de mes mains. Je le ferai presque déjà, rien que pour vous avoir entendu parler de la sorte. » Et là-dessus, je l'appelai démon maudit et lui ordonnai de quitter la chambre. Je crois que c'était la première fois de ma vie que j'étais irritée contre Amy. Le premier moment passé, bien qu'elle fût une diabolique coquine d'avoir eu une pensée pareille, ce n'était après tout que l'effet de son excessive affection et fidélité envers moi. Mais cette affaire me donna un coup terrible. Elle arrivait juste après que je venais de me marier et elle servit à hâter notre passage en Hollande. Car je n'aurais pas voulu paraître pour être connue sous le nom de Roxana. Non. Je ne l'aurais pas voulu pour 10 000 livres. C'eût été assez pour ruiner tous mes projets et tous mes plans avec mon mari aussi bien qu'avec tous les autres. J'aurais, en ce cas, aussi bien fait d'être princesse allemande. Je mis donc Amy à l'œuvre, et, pour lui donner son dû, elle mit en jeu tout son esprit pour tâcher de découvrir par quels moyens la fille avait obtenu ses renseignements. Mais plus particulièrement, jusqu'où ces renseignements allaient, c'est-à-dire ce qu'elle savait réellement, et ce qu'elle ne savait pas, car c'était la grosse affaire pour moi. Comment elle pouvait dire qu'elle savait qui était Madame Roxana était, et quelle connaissance elle avait de toutes ces choses, c'était un mystère pour moi. Il était d'ailleurs certain qu'elle n'avait pas d'idée juste sur mon compte, puisqu'elle voulait qu'Amy fût sa mère. Je grondais énergiquement Amy d'avoir permis que la fille la connût jamais, je veux dire la connût comme mêlée à cette affaire. Car on ne pouvait empêcher qu'elle ne la connût, puisqu'elle avait été, je peux dire, au service d'Amy, ou plutôt sous les ordres d'Amy dans ma maison, comme je l'ai rapporté plus haut. Il est vrai qu'Amy lui avait fait parler d'abord par une autre personne, et non directement, et que le secret s'était découvert par accident, ainsi que je l'ai dit. Amy était contrariée de tout cela aussi bien que moi, mais elle n'y pouvait rien. Et bien que nous en eussions beaucoup d'inquiétude, comme il n'y avait pas de remède, nous étions tenus de mener le moins de bruit possible sur toute cette affaire, afin qu'elle n'allât pas plus loin. Je chargeai Amy de punir la fille de sa conduite, ce qu'elle fit en la quittant avec colère, après lui avoir dit qu'elle verrait bien qu'elle n'était pas sa mère, car elle saurait la laisser dans l'état où elle l'avait trouvée. Puisqu'elle voyait qu'elle ne savait pas se contenter des offices et de l'affection d'une amie, mais qu'elle voulait absolument faire d'elle une mère, elle ne serait à l'avenir ni mère ni amie. Elle lui conseillait donc de rentrer en service et d'être souillon comme devant. La pauvre fille cria de la façon la plus lamentable, mais elle ne voulut pas même s'en dédire. Et ce qui rendit Amy muette d'étonnement plus que le reste fut qu'après avoir ainsi malmené la pauvre fille pendant longtemps, et n'ayant pu la faire s'en dédire, l'avoir menacée, comme je l'ai rapporté, de l'abandonner tout à fait, elle maintint ce qu'elle avait dit d'abord et répéta dans les mêmes termes qu'elle était sûre que si ce n'était pas Amy, c'était Milady Roxana qui était sa mère et qu'elle irait la trouver, ajoutant qu'elle ne doutait pas de pouvoir le faire car elle savait tout s'informer du nom de son nouveau mari. Amy arriva à la maison avec cette belle nouvelle sur les lèvres. Je m'aperçus facilement quand elle entra qu'elle avait l'esprit perdu et que quelque chose la rendait furieuse. Et j'étais très en peine de savoir ce que c'était, car lorsqu'elle entra, mon mari était dans la chambre. Cependant, lorsque Amy se leva pour aller se défaire, je trouvai bientôt un prétexte pour la suivre, et entrant dans sa chambre, « Que diable y a-t-il, Amy ? » m'écriai-je. « Je suis sûre que vous avez de mauvaises nouvelles. »« Des nouvelles ? » dit Amy tout haut. « Oui, certes, j'en ai. Je crois que le diable est dans cette femelle. Elle nous perdra toutes, et elle aussi. Il n'y a pas moyen de la tenir. » Elle continua de ce ton et me donna tous les détails. Mais assurément, il n'y eut jamais personne de si étonné que moi lorsqu'elle me dit que la fille savait que j'étais mariée, qu'elle connaissait le nom de mon mari et qu'elle allait faire ses efforts pour me trouver. Je pensais rentrer sous terre rien qu'en l'entendant dire. Au milieu de toute ma stupéfaction, voilà Amy qui se lève, court à travers la chambre comme une insensée, criant « Je mettrai fin à cela, j'y mettrai fin, ça ne peut pas durer. Il faut que je la tue. Je tuerai la carogne, j'en jure par son auteur. » Elle disait cela du ton le plus sérieux du monde, et elle le répéta 3 ou 4 fois, marchant çà et là dans la chambre. « Oui, oui, je la tuerai, pour finir, quand il n'y aurait qu'elle de fille au monde. »« Tiens ta langue, Amy, je te prie, » lui dis-je. « Tu es donc folle ?»« Oui, je le suis, folle, absolument, mais ça ne m'empêchera pas d'être la mort de celle-là, et je redeviendrai raisonnable. » « Mais vous ne toucherez pas, m'écriai-je, vous ne toucherez pas un cheveu de sa tête, entendez-vous ? Et quoi ? Vous mériteriez d'être pendu pour ce que vous avez fait déjà, pour avoir vu la volonté de le faire. Quant au crime, vous êtes déjà un assassin, comme si vous l'aviez accompli. »« Je sais cela, répondit Amy, et cela ne peut être pis. Je vous tirerai de peine et elle aussi. Elle ne vous réclamera jamais pour sa mère en ce monde, quoi qu'elle puisse faire dans l'autre. » »« Bien, bien, repris-je, calmez-vous et ne parlez pas ainsi. Je ne saurais le supporter. » Et elle devint un peu plus raisonnable au bout d'un petit moment. Je dois reconnaître que l'idée d'être découverte portait avec elle de telles épouvantes et troublait tellement mes pensées que je n'étais guère plus maîtresse de moi qu'Amy ne l'était d'elle-même, tant est redoutable le fardeau du crime sur l'esprit. Cependant, lorsque Amy se mit pour la seconde fois à parler ainsi abominablement de tuer la pauvre enfant, de l'assassiner, et jura par son auteur qu'elle le ferait, de manière à me faire comprendre qu'elle parlait sérieusement, j'en fus terrifié encore bien davantage, et cela m'aida à me rappeler à moi-même pour le reste. Nous nous creusâmes la tête toutes les deux pour voir s'il était possible de découvrir par quel moyen elle avait appris à dire tout cela, et comment elle, j'entends ma fille, était venue à savoir que sa mère avait pris un mari. Mais rien n'y fit. Ma fille ne voulut convenir de rien, et ne donna qu'une explication très imparfaite des choses, extrêmement mal disposée qu'elle était contre Amy, pour la manière dont celle-ci l'avait brusquement quittée. Alors Amy alla à la maison où était le garçon, mais ce fut la même chose. Là, il n'avait entendu qu'une histoire confuse d'une dame quelconque, il ne savait qui, que cette même fille leur avait racontée, mais à laquelle il n'avait prêté aucune attention. Amy leur dit comme elle avait agi sottement, et jusqu'à quel point elle avait poussé son caprice, malgré tout ce qu'on avait pu lui remontrer. Que, quant à elle, Amy, elle en était si fâchée qu'elle ne voulait plus la voir, et qu'elle pouvait même rentrer en service si elle voulait. En tout cas, Amy ne voulut plus avoir affaire à elle, à moins qu'elle ne s'humiliât et ne changeât de ton, et cela sans tarder. Le bon vieux gentleman, qui avait été leur bienfaiteur à tous, fut grandement contrarié de l'affaire, et la bonne dame, sa femme, se montra affligée au-delà de toute expression. Elle pria sa grâce, c'était Amy qu'elle voulait dire, de ne pas en concevoir de ressentiment. Ils promirent en outre qu'ils lui parleraient à ce sujet, et la vieille dame ajouta, avec un certain étonnement. « Bien sûr, elle ne peut pas être assez sotte pour ne pas se laisser persuader de se taire, lorsqu'elle tient de votre propre bouche que vous n'êtes pas sa mère, et qu'elle voit qu'elle désoblige votre grâce en insistant. » Amy partit donc de là avec quelque espoir que la chose n'irait pas plus loin. Mais la fille continua malgré tout à faire la folle et persista avec obstination en dépit de tout ce qu'on put lui dire et même quoique sa sœur la priât et la suppliât de ne pas faire de sottises, que cela la perdrait, elle aussi, en même temps, et que la dame, c'est-à-dire Amy, les abandonnerait toutes les deux. Eh bien, malgré tout, elle insista, je le répète, et le pire était que plus cela durait, plus elle était disposée à écarter Amy et à vouloir que Lady Roxana fût sa mère. Elle avait, disait-elle, quelques informations à son endroit, et elle ne doutait pas qu'elle ne la trouvât. Les choses rendues à ce point, lorsque nous vîmes qu'il n'y avait rien à faire avec la fille, mais qu'elle était obstinément résolue à me chercher, et qu'elle risquait pour cela de perdre tout ce qu'elle pouvait espérer, lorsque nous vîmes, dis-je, que les choses étaient venues à ce point, je commençai à faire plus sérieusement mes préparatifs de voyage outre-mer, d'autant plus que j'avais lieu de craindre que tout cela n'amenât quelque résultat. Mais l'incident suivant me mit tout à fait hors de moi et me plongea dans le plus grand trouble que j'ai jamais éprouvé de ma vie. J'étais si bien sur le point d'aller à l'étranger que mon époux et moi, nous avions pris nos mesures pour notre départ. Comme je voulais être sûr de ne pas paraître en public, de façon à enlever toute possibilité d'être vu, j'avais fait à mon époux certaines objections contre les bateaux publics ordinaires qui transportent les passagers. Mon prétexte auprès de lui était la promiscuité, la foule qu'on rencontre sur ces vaisseaux, le manque de commodité et autres choses de ce genre. Il entra dans mes idées et me trouva un navire de commerce anglais en partance par Rotterdam. Il eut bientôt fait connaissance avec le patron et il lui loua tout son navire, c'est-à-dire sa grande cabine, car je ne parle pas du fret. De sorte que nous avions toutes les commodités possibles pour notre passage. Tout étant prêt, il amena un jour le capitaine dîner à la maison, afin que je pusse le voir et faire un peu connaissance avec lui. Après le dîner, la conversation tomba sur le navire et les agréments du bord, et le capitaine me pressa instamment de venir voir le vaisseau, déclarant qu'il nous traiterait aussi bien qu'il le pourrait. Incidemment, je dis, comme par hasard, que j'espérais qu'il n'y avait pas d'autres passagers. Il dit que non, qu'il n'en avait pas, mais il ajouta que sa femme lui faisait depuis longtemps la cour pour qu'il la laissât aller avec lui en Hollande, car il faisait toujours ce trajet. Mais il n'avait jamais pu se décider à aventurer tout ce qu'il avait dans la même carcasse. Cependant, si j'allais avec lui, il avait l'intention de l'emmener avec une parente pour cette traversée, afin qu'elles pussent toutes les deux être à mon service. Il termina en disant que si je voulais lui faire l'honneur de dîner à bord le jour suivant, il amènerait sa femme pour nous mettre en meilleur rapport. Qui aurait pu croire qu'au fond de tout cela, le diable tendait un piège, ou que je courusse un danger quelconque en une telle occasion, si étrangère, si éloignée de tout ce qui intéressait ma vie passée? Mais l'événement se trouva être le plus étrange que l'on puisse imaginer. Il arriva qu'Amy n'était pas à la maison quand nous acceptâmes cette invitation. Elle fut donc laissée en dehors. Mais au lieu d'Amy, nous prîmes notre honnête quakeresse, notre amie, toujours de bonne humeur et que nous nous faisions un point de n'oublier jamais, l'une des meilleures créatures qui jamais vécurent assurément et qui, entre mille bonnes qualités sans mélange d'aucun défaut, excellait surtout à se rendre en société la personne la plus aimable du monde. Je crois cependant que j'aurais emmené Amy aussi si elle n'avait pas été occupée dans l'affaire de cette malheureuse fille. Tout d'un coup, en effet, la fille s'était perdue et on n'en entendait plus parler. Amy avait fureté tous les endroits où elle pouvait penser qu'il était probable qu'on la rencontrerait. Mais tout ce qu'elle avait pu apprendre était qu'elle était allée chez une de ses vieilles camarades, qu'elle appelait sa sœur, et qui était mariée à un patron de bateau, demeurant à Redriff, et encore, la coquine ne m'en avait jamais rien dit. Il paraît que lorsque la fille avait reçu d'Amy le conseil de se donner quelque éducation, d'aller en pension, etc., elle avait été adressée à une pension de Camberwell, et que là, elle avait contracté une liaison avec une demoiselle, c'est ainsi qu'on les appelle toutes, sa camarade de lit, au point qu'elle s'appelait sœur et qu'elle s'était promis de ne jamais briser leur amitié. Mais jugez de l'inexprimable surprise que je dus ressentir lorsque j'arrivai à bord du navire et que je fus introduite dans la cabine du capitaine, ou comme on l'appelle, la grande cabine du vaisseau, de voir sa dame ou femme, et à côté d'elle, une jeune personne qui, lorsque je pus la considérer de près, était mon ancienne fille de cuisine du Pall Mall, et, comme le reste de l'histoire l'a montré, ni plus ni moins que ma propre fille. Que je la reconnusse, cela ne faisait pas de doute, car si elle n'avait pas eu l'occasion de me voir bien des fois, moi je l'avais vue assez souvent, comme cela devait être, puisqu'elle était restée chez moi si longtemps. Je fus d'abord sur le point de feindre une faiblesse ou un évanouissement, de tomber sur le sol, ou plutôt sur le plancher, de les mettre tous en confusion et en effroi, et, par ce moyen, de me donner l'occasion de tenir continuellement quelque chose à mon nez, pour le sentir, et de garder ainsi ma main ou mon mouchoir, ou l'un et l'autre, devant ma bouche. Puis j'aurais prétendu que je ne pouvais supporter l'odeur du navire ou l'air renfermé de la cabine. Mais cela n'aurait abouti qu'à me faire transporter à un air plus pur sur le pont, où nous aurions eu, en même temps, une lumière plus pure aussi. Si j'avais prétexté l'odeur du navire, cela n'aurait servi qu'à nous faire conduire tous à terre, à la maison du capitaine qui était tout près. Car le navire était amarré si près du rivage qu'il n'y avait, pour arriver à bord, qu'à traverser une planche et le pont d'un autre navire placé entre lui et la terre. Ceci ne me parut donc pas faisable, et l'idée n'en était pas vieille de 2 minutes qu'il n'était plus temps, car les deux dames se levèrent et nous nous saluâmes, de sorte que je dus venir assez près de ma drôlesse pour la baiser, ce que je n'aurais pas fait s'il avait été possible de l'éviter, mais il n'y avait pas moyen d'y échapper. Je ne peux pas ne pas noter ici que, bien qu'il y eût une secrète horreur dans mon âme, et que je fusse près de m'affaisser lorsque j'arrivai près d'elle pour la saluer, ce fut cependant avec un intime et inconcevable plaisir que je la baisai, sachant que je baisais mon propre enfant, ma propre chair, mon propre sang, sorti de mes flancs, et à qui je n'avais jamais donné un baiser depuis que je leur avais dit adieu à tous, au milieu d'un torrent de larmes, et avec un cœur presque anéanti de douleur, lorsque Amy et la brave femme les avaient emmenés et étaient allés avec eux à Spitalfields. Aucune plume ne peut décrire, aucun mot ne peut exprimer, dis-je, l'étrange impression que cela fit sur mes esprits. Je sentis quelque chose qui courait dans mon sang. Mon cœur palpita, des flammes passèrent dans ma tête, je vis trouble. Il me sembla que tout ce qui était en moi tournait, et j'eus bien de la peine à ne pas m'abandonner à l'excès de mon émotion à sa vue tout d'abord, et bien plus lorsque mes lèvres touchèrent sa figure. Je pensais que j'aurais dû la prendre dans mes bras et la baiser 1000 fois, qu'elle le voulût ou non. Mais faisant appel à mon bon sens, je secouai cette impression, et avec un malaise infini, je m'assis enfin. Vous ne vous étonnerez pas si, après cette mauvaise surprise, je ne fus de quelques minutes capable de prendre part à la conversation, et si mon désordre se laissa presque découvrir. J'avais à lutter contre une complication cruelle. Je ne pouvais cacher mon trouble qu'avec la dernière difficulté, et cependant de la manière dont je le cacherais dépendait tout l'édifice de mon bonheur. J'usai donc de toute la violence que je pus sur moi-même pour éviter le mal qui me guettait au passage. Je la saluai donc, mais comme je me dirigeai d'abord vers la dame du capitaine, qui était à l'autre bout de la cabine, en pleine lumière, l'occasion s'offrit à moi de me tenir le dos au jour, en me retournant vers elle qui était un peu à ma gauche, de sorte qu'elle ne pouvait bien nettement me dévisager, quoique je fusse tout près d'elle. Je tremblais, et ne savais ni ce que je faisais, ni ce que je disais. J'étais dans la plus terrible extrémité, au milieu de tant de circonstances qui s'abattaient sur moi, obligée que j'étais de cacher mon désordre à tout le monde au moment du plus grand péril, et en même temps m'attendant à ce que tout le monde le discernerait. Je devais croire qu'elle s'apercevrait qu'elle me connaissait, et cependant il me fallait par tous les moyens l'en empêcher. J'avais à me cacher si possible, et je n'avais pas la moindre facilité pour faire rien dans ce but. Bref, il n'y avait point de retraite, pas d'échappatoire, aucun moyen d'éviter ou d'empêcher qu'elle ne me vît en plein, ni de contrefaire ma voix, car alors mon mari s'en serait aperçu. En somme, pas la moindre chose qui m'offrit aucune assistance, ni rien qui m'aidât ou me favorisa dans cette pressante difficulté. J'étais sur le grill depuis près d'une demi-heure, pendant laquelle je me montrais raide, réservée et un peu trop cérémonieuse, lorsque mon époux et le capitaine entamèrent une conversation sur le navire, sur la mer et sur des sujets qui nous sont étrangers à nous autres femmes. Peu à peu, le capitaine l'emmena sur le pont et nous laissa seuls dans la grande cabine. Nous commençâmes alors à être un peu plus libres les unes avec les autres, et je me mis à renaître quelque peu grâce à une imagination soudaine qui me vint. Je crus m'apercevoir que la fille ne me reconnaissait pas, et ma principale raison pour avoir une telle idée fut que je n'apercevais pas le moindre trouble dans sa physionomie, pas le moindre changement dans sa manière d'être, pas de confusion, ni d'hésitation dans ses discours. Je ne remarquais pas non plus, et c'était une chose à laquelle je faisais une attention particulière, qu'elle fixa beaucoup ses yeux sur moi. Je veux dire qu'elle ne me regardait pas constamment et à l'exclusion des autres, comme je pensais qu'elle aurait dû le faire. Elle prenait plutôt à part mon amie la quakeresse et bavardait avec elle de différentes choses, mais j'observais aussi que ce n'était que de choses indifférentes. Ceci me donna beaucoup de courage et je repris un peu de gaieté. Mais je fus de nouveau étourdi comme d'un coup de tonnerre quand, se retournant vers la femme du capitaine et parlant de moi, elle lui dit « Sœur, je ne puis m'empêcher de trouver que madame ressemble beaucoup à telle personne. » Et elle lui nomma la personne. Et la femme du capitaine dit qu'elle le trouvait aussi. La fille reprit qu'elle était sûre de m'avoir vue déjà, mais qu'elle ne pouvait se rappeler où. Je répondis, bien que ces paroles ne me fussent pas adressées, que j'imaginais qu'elle ne m'avait pas encore vue en Angleterre, mais je lui demandais si elle avait habité la Hollande. « Non, non, dit-elle, elle n'était jamais sortie d'Angleterre. » J'ajoutai qu'alors elle ne pouvait m'avoir connue en Angleterre, à moins que ce ne fût tout récemment, car j'avais demeuré pendant longtemps à Rotterdam. Ceci me tira d'affaire assez bien, et pour le faire passer mieux, un petit garçon hollandais qui appartenait au capitaine vint dans la cabine, et m'apercevant facilement qu'il était hollandais, je le plaisantai, lui parlai dans sa langue et badinai joyeusement avec lui, aussi joyeusement du moins que me le permettait la consternation dans laquelle je me trouvais encore. Cependant, je commençais à être entièrement convaincu cette fois que la fille ne me connaissait pas, ce qui m'était une satisfaction infinie. Du moins, si elle avait quelque idée à mon sujet, elle ne soupçonnait nullement qui j'étais. Ce que peut-être elle eût été aussi aise de savoir que j'en eusse été surprise. Il était d'ailleurs évident que, si elle avait eu aucun soupçon de la vérité, elle n'aurait pas été capable de le cacher. Ainsi se passa cette rencontre, et vous pouvez être sûr que j'avais bien décidé, si seulement je m'en tirais, qu'elle ne me reverrait jamais pour lui renouveler la mémoire. Mais là encore je me trompais, comme vous allez l'apprendre. Lorsque nous eûmes été assez longtemps à bord, la dame du capitaine nous conduisit à sa maison, qui était juste sur le rivage, et nous y traita de nouveau très honnêtement. Elle nous fit promettre que nous reviendrions la voir avant de partir pour nous concerter sur le voyage et toutes les choses qui s'y rapportaient. Elle nous assura d'ailleurs qu'elle et sa sœur ne faisaient cette traversée cette fois que pour notre compagnie, et je pensais à part moi qu'alors elle ne le ferait pas du tout, car je voyais bien qu'il ne serait nullement prudent à ma seigneurie d'aller avec elle. En effet, ce fréquent commerce aurait pu me rappeler à son esprit, et elle aurait assurément revendiqué sa parenté auprès de moi au bout de peu de jours, la chose était certaine. Je ne peux guère imaginer ce qui serait advenu de cette aventure si Amy était venue avec moi à bord de ce vaisseau. Cela aurait sûrement fait éclater toute l'affaire, et j'aurais dû être pour toujours désormais la vassale de cette fille, c'est-à-dire qu'il m'aurait fallu la mettre dans le secret, me confier à elle pour le garder, ou me voir démasquée et ruinée. La seule pensée m'en pénétrait d'horreur. Mais je n'eus pas tant de malheur comme l'événement le montra, car Amy n'était pas avec nous, et cela fut vraiment mon salut. Cependant, nous avions encore un autre danger à éviter. De même que j'avais résolu de remettre le voyage, j'avais aussi résolu, vous pouvez le croire, de remettre la visite, d'après ce principe bien arrêté dans mon esprit, que la fille m'avait vue pour la dernière fois et ne me reverrait plus jamais. Cependant, pour m'en tirer convenablement et en même temps pour voir, si je le pouvais, un peu plus avant dans l'affaire, j'envoyai mon amie la quakeresse à la dame du capitaine faire la visite promise et porter mes excuses de ce que je ne pouvais réellement pas me rendre chez elle parce que j'étais très indisposée. Je la priai d'insinuer à la fin de son discours qu'elle craignait que je ne pusse être prête pour faire la traversée pour le temps où le capitaine était obligé de partir, et que, peut-être, nous pourrions remettre le projet à son prochain voyage. Je ne laissai entrevoir à la quakeresse aucune autre raison que mon indisposition, et ne sachant quelle tournure donner à la chose, je lui fis croire que je pensais être enceinte. Il fut facile de lui mettre cela dans l'esprit, et, naturellement, elle fit entendre à la dame du capitaine qu'elle me trouvait si malade qu'elle craignait que je n'eusse une fausse couche, et, par conséquent, je ne pouvais certes pas songer à partir. Elle s'acquitta de sa commission très adroitement, comme j'étais sûre qu'elle le ferait, quoiqu'elle ne sût pas un mot de la grande raison de mon indisposition. Mais je retombai dans de mortelles angoisses lorsqu'elle me raconta qu'il y avait une chose dans sa visite qu'elle ne pouvait comprendre, c'était que la jeune femme, comme elle l'appelait, qui était avec la dame du capitaine, et qu'elle appelait sa sœur, avait été de la plus impertinente curiosité dans ses questions sur mon compte. Qui j'étais? Depuis quand j'étais en Angleterre? Où j'avais demeuré? Et autre chose semblable. Et plus que tout le reste, elle s'était informée si je ne demeurais pas autrefois à l'autre extrémité de la ville. J'ai trouvé ces questions si extraordinaires, me dit l'honnête quakeresse, que je ne lui ai pas donné la plus petite satisfaction. J'avais d'ailleurs remarqué, par tes réponses à bord du navire quand elle te parlait, que tu n'étais pas disposé à la laisser faire grande connaissance avec toi. Aussi avais-je décidé qu'elle n'en apprendrait pas davantage par moi. Quand elle m'a demandé si tu n'avais jamais demeuré ici ou là, j'ai toujours dit non, mais que tu étais une dame hollandaise et que tu retournais dans ta famille pour vivre à l'étranger. Je la remerciai de tout mon cœur, et vraiment elle me servit mieux en ceci que je ne lui fis savoir. En un mot, elle dépista la fille si habilement que si elle avait connu toute l'affaire, elle n'aurait pas pu faire mieux. Mais je dois avouer que tout cela me remettait à la torture, et que j'étais toute découragée. Je ne doutais pas que la coquine ne flairât la vérité, qu'elle ne m'eût pas reconnue et ne se fût rappelé mon visage. Mais elle avait, pensais-je, habilement dissimulé ce qu'elle savait de moi, jusqu'à ce qu'elle pût le faire paraître plus à mon désavantage. Je racontai tout à Amy, car elle était toute la consolation que j'eusse. La pauvre âme, Amy j'entends, était prête à se pendre, parce que, disait-elle, elle avait été la cause de tout. Si j'étais ruinée, c'était l'expression dont je me servais toujours avec elle, j'étais ruinée par elle. Et elle s'en tourmentait tellement que j'étais quelquefois obligée de lui donner des encouragements en même temps qu'à moi-même. Ce dont Amy se vexait le plus, c'était qu'elle eût été surprise de cette façon par la fille, comme elle l'appelait. Je veux dire surprise de manière à être obligée de se dévoiler, et c'était en effet un faux pas de la part d'Amy. Je le lui avais souvent dit. Mais il n'avançait à rien d'en reparler maintenant. La question était de se débarrasser des soupçons de la fille, et de la fille aussi. Car cela semblait chaque jour plus gros de menaces, et si j'étais inquiète de ce qu'Amy m'avait dit de ses divagations et de ses bavardages auprès d'elle, Amy, j'avais mille fois plus de raisons d'être inquiète maintenant qu'elle s'était si malheureusement trouvée sur mon chemin, et que non seulement elle avait vu ma figure, mais qu'elle savait où je demeurais, quel nom je portais et le reste. Et je n'en étais pas encore au pire de l'aventure. Car quelques jours après que mon amie la quakeresse eût fait sa visite et m'eût excusé sur mon indisposition, comme mû par un excès d'aimable politesse, parce qu'on leur avait dit que je n'étais pas bien, ils vinrent tout droit à mon logis pour me voir, la femme du capitaine et ma fille, qu'elle appelait sa sœur, et le capitaine qui leur montrait le chemin. Le capitaine, d'ailleurs, ne les conduisit que jusqu'à la porte, les fit entrer et s'en alla à quelque affaire. Si la bonne quakeresse, dans un heureux moment, n'était pas accourue avant elle, elle m'aurait non seulement saisie dans le salon comme par surprise, mais, ce qui eût été mille fois pire, elles auraient vu Amy avec moi. Je crois que si cela était arrivé, je n'aurais eu d'autre remède que de prendre la fille à part et de me faire connaître d'elle, ce qui eût été un parti absolument désespéré. Mais il se trouva que la quakeresse, faite apparemment pour me porter bonheur, les aperçut en se dirigeant vers la porte avant qu'ils eussent sonné. Et au lieu d'aller les recevoir, elle accourut, la physionomie un peu troublée, me dire qui arrivait. Sur quoi Amy se sauva la première, et moi après elle, en priant la quakeresse de monter aussitôt qu'elle les aurait fait entrer. J'allais la prier de dire que je n'y étais pas. Mais il me vint à l'esprit qu'après avoir été représenté comme si fort indisposé, cela semblerait très étrange. En outre, je savais que l'honnête quakeresse, qui aurait fait tout pour moi, n'aurait cependant pas voulu mentir, et il eût été cruel de ma part de le lui demander. Lorsqu'elle les eut introduits et fait entrer dans le salon, elle monta nous trouver, Amy et moi. Nous étions à peine revenus de notre frayeur, et cependant nous nous félicitions de ce qu'Amy n'avait pas été surprise de nouveau. Elle faisait une visite de cérémonie, et je l'ai reçue aussi cérémonieusement, mais je saisis l'occasion deux ou trois fois de faire entendre que j'étais si malade que je craignais de ne pas pouvoir aller en Hollande, assez tôt du moins pour partir avec le capitaine. Et je leur tournai poliment l'expression de mon chagrin d'être privé, contre mon attente, de leur société et de leurs soins pendant le voyage. Quelquefois aussi je parlais comme si je pensais pouvoir rester, jusqu'au retour du capitaine et être alors cette fois prête à partir. Alors la quakeresse intervenait, disant que je pourrais bien être trop avancée, dans ma grossesse, voulait-elle dire, de sorte que je ne pourrais plus me risquer du tout. Et puis, comme si elle en eût été contente, elle ajoutait qu'elle espérait que je resterais dans sa maison pour y faire mes couches. Et comme tout cela s'expliquait de soi-même, les choses allaient assez bien. Mais il était grand temps d'en parler à mon mari, et ce n'était pas là cependant la plus grande difficulté qui se présentât à mon esprit. En effet, après que ces bavardages et d'autres eurent pris quelque temps, la jeune fille reprit sa marotte. Deux ou trois fois elle trouva le moyen de dire que je ressemblais tellement à une dame qu'elle avait l'honneur de connaître, à l'autre extrémité de la ville, qu'elle ne pouvait faire sortir cette dame de son esprit quand j'étais présente. Et une fois ou deux, je m'imaginais que la fille était sur le point de pleurer. Elle y revint encore peu après, et à la fin je vis clairement des larmes dans ses yeux. Sur quoi je lui demandai si la dame était morte, parce qu'il me semblait que cela réveillait en elle quelque chagrin. Elle me mit bien plus à l'aise que je ne l'avais été jusque-là. Elle me dit que réellement elle n'en savait rien, mais qu'elle croyait réellement qu'elle était morte. Ceci, dis-je, soulagea un peu mes esprits, mais je fus bientôt remise aussi bas, car au bout d'un moment, la coquine devint communicative, et comme il était clair qu'elle aurait dit tout ce que sa tête avait pu retenir de Roxana et des jours de plaisir que j'avais passés dans cette partie de la ville, il semblait qu'un autre accident allât nous renverser de nouveau. J'étais dans une sorte de déshabillé quand elles arrivèrent. Pourtant d'un vêtement lâche, semblable à une robe du matin, mais plutôt à la mode italienne. Je n'en avais point changé quand j'étais montée et m'étais contentée d'arranger un peu mes cheveux. Comme on avait dit que j'avais été récemment très malade, ce costume convenait assez pour garder la chambre. Cette veste ou robe de matin, appelez-la comme il vous plaira, suivait plus les contours que celle que nous portons maintenant, montrant le corps dans sa vraie forme, et peut-être d'une façon trop visible, si elle avait été portée là où des hommes doivent entrer, mais entre nous, c'était suffisamment convenable, surtout pour la saison chaude. La couleur était verte, à figure, et l'étoffe en damas français très riche. Cette robe ou veste mit en mouvement la langue de la fille, et sa sœur, comme elle l'appelait, la poussa. Car comme elle l'admirait toutes les deux, et qu'elles étaient occupées de la beauté du vêtement, du charmant damas, de la magnifique garniture et du reste, ma fille lança un mot à sa sœur, la femme du capitaine. « C'est une affaire exactement pareille que je vous ai dite, avec laquelle la lady dansait. »« Quoi ? » dit la femme du capitaine. « La lady Roxana dont vous m'avez parlé ? Oh, c'est une délicieuse histoire, racontez-la, madame. » Je ne pouvais pas me dire de même, quoique, du fond de l'âme, je l'eusse voulu dans le paradis, rien que pour en avoir parlé. Et même que je ne voudrais pas affirmer que, si elle avait été emportée du côté opposé au paradis, ce n'eût pas été la même chose pour moi, pourvu que j'eusse été débarrassée d'elle et de son histoire. Car lorsqu'elle en arriverait à décrire le costume turc, il était impossible que la quakeresse, qui était une personne fine et pénétrante, n'en reçût pas une impression plus dangereuse que la fille elle-même, avec cette différence pourtant qu'elle n'était pas, elle, une femme dangereuse. Et en effet, si elle avait su tout, j'aurais pu plus librement me fier à elle qu'à la fille, et de beaucoup. J'aurais même été parfaitement tranquille avec elle. Cependant, comme je l'ai dit, la conversation de la fille me mettait terriblement mal à l'aise, et plus encore lorsque la femme du capitaine prononça le nom de Roxana. Ce que mon visage pouvait faire pour me trahir, je l'ignore, car je ne me voyais pas. Mais mon cœur battait comme s'il eût voulu sauter jusqu'à ma bouche, et mon émotion était si grande que, faute de pouvoir lui donner issue, je pensais que j'allais éclater. En un mot, j'étais dans une sorte de rage silencieuse, car la violence que je m'imposais pour dominer mon émotion était telle que je n'ai jamais rien senti de pareil. Je n'avais pas d'issue, personne à qui m'ouvrir, ou à qui me plaindre, pour me soulager. Je n'osais quitter la chambre sous aucun prétexte, car alors elle aurait dit l'histoire en mon absence, et j'aurais été dans une inquiétude perpétuelle de savoir ce qu'elle avait dit ou n'avait pas dit. Bref, je fus forcée de rester là assise, et de l'entendre raconter toute l'histoire de Roxana, c'est-à-dire de moi, tout en ne sachant pas si elle était sérieuse ou si elle plaisantait, si elle me connaissait ou non, en un mot, si je devais être démasquée ou ne l'être pas. Elle commença à dire d'une manière générale où elle demeurait, quelle place elle occupait, quelle galante compagnie sa dame avait toujours dans la maison, comment on y avait coutume de veiller toute la nuit à jouer et à danser. Quelle belle dame sa maîtresse était, et quelle quantité d'argent les premiers domestiques recevaient. Quant à elle, déclara-t-elle, tout son travail était dans la maison à côté, de sorte qu'elle ne gagnait que peu, excepté une nuit qu'il y eut 20 guinées de données pour être distribuées parmi les domestiques et où elle eut pour sa part 2,5 guinées. Elle poursuivit en disant combien il y avait de domestiques et comment ils étaient organisés. Mais, dit-elle, il y avait une Mrs. Amy qui était au-dessus de tous, et celle-là, étant la favorite de la dame, gagnait beaucoup. Elle ne savait pas si Amy était son nom de baptême ou son nom de famille, mais elle supposait que c'était son nom de famille. On lui avait dit qu'elle avait eu une fois 60 pièces d'or, cette même nuit où le reste des domestiques s'étaient partagé les 20 guinées. Ici, je pris la parole et dis que c'était de l'argent gaspillé. Eh, m'écriai-je, pour une servante, c'était une dot. Oh, madame, reprit-elle, ce n'est rien auprès de ce qu'elle eut ensuite. Nous autres, les servantes, nous la haïssions cordialement pour cela, c'est-à-dire que nous aurions voulu que ce fût notre lot au lieu du sien. Eh bien, dis-je encore, c'était assez pour lui procurer un bon mari et l'établir dans le monde si elle avait eu le bon sens d'en profiter. À coup sûr, madame, répondit-elle, car on nous disait qu'elle avait mis de côté plus de 500 livres sterling. Mais je suppose que Mrs. Amy savait trop bien que sa réputation demandait une grosse dot pour qu'on s'en chargeât. « Oh, dis-je, s'il en était ainsi, c'est une autre affaire. » « Oui, reprit-elle, je ne sais pas, mais on causait beaucoup d'un jeune seigneur qui était très large avec elle. « Et qu'est-elle devenue finalement, je vous prie ? » demandai-je, car je n'étais pas fâché d'entendre un peu, voyant qu'elle voulait en causer, ce qu'elle avait à dire aussi bien d'Amy que de moi. Je n'avais pas entendu parler d'elle pendant plusieurs années, lorsque l'autre jour il m'est arrivé de la voir. « En vérité, m'écriai-je, feignant de trouver la chose extrêmement étrange. « Et quoi ? En haillons peut-être, car c'est souvent la fin de telles créatures. » « Justement le contraire, madame. Elle venait faire une visite à une de mes connaissances, ne songeant guère, je suppose, qu'elle me verrait. Et je vous assure qu'elle est venue dans son carrosse. »« Dans son carrosse ? Sur ma parole, elle avait trouvé à faire son marché, apparemment. » « Je suppose qu'elle avait fait ses foins pendant que le soleil brillait. Était-elle mariée, je vous prie ?»« Je crois qu'elle avait été mariée, madame, mais il paraît qu'elle avait été aux Indes orientales. Et si elle était mariée, c'était là, bien sûr. Je crois qu'elle disait qu'elle avait eu de la chance aux Indes. »« C'est, je suppose, qu'elle y avait enterré son mari. C'est ainsi que je le comprends, madame, et qu'elle était devenue maîtresse de ses biens. »« Était-ce là sa chance, repris-je ? Cela pouvait être bon pour elle, en effet, quant à l'argent. » Mais il n'y a qu'une coquine pour appeler cela de la chance. » Notre conversation sur Mrs. Amy alla jusque-là, mais pas plus loin car elle n'en savait rien de plus. Mais à ce moment, la quakeresse, maladroitement, quoique sans intention, fit une question que l'honnête et aimable créature eût été loin de faire si elle avait su que j'avais porté la conversation sur Amy exprès pour faire oublier Roxana. Quoi qu'il en soit, je ne devais pas être mise à l'aise sitôt. La quakeresse demanda. « Mais je crois que tu disais qu'il y avait quelque chose à propos de ta maîtresse. Comment l'appelles-tu, Roxana, n'est-ce pas ? Que devint-elle, je te prie ?»« Oui, oui, Roxana, » dit la femme du capitaine. « Je vous en prie, sœur, faites-nous entendre l'histoire de Roxana. Elle divertira madame, j'en suis sûre. » « C'est un damné mensonge, me disais-je en moi-même. Si vous saviez combien peu cela me divertit, vous auriez trop d'avantages sur moi. Allons, je n'y vois pas de remède. Il faut que cette histoire arrive. » Je me préparai donc à écouter le pire qui pouvait en être dit. « Roxana, s'écria-t-elle, je ne sais ce que dire d'elle. Elle était tellement au-dessus de nous, nous la voyions si rarement que nous ne pouvions guère rien savoir d'elle que par oui dire. Mais cependant, nous la voyions quelquefois. C'était une femme charmante véritablement, et les laquais disaient qu'on devait l'envoyer chercher de la cour. « De la cour, disais-je ? Mais elle était à la cour, n'est-ce pas ? Le Pall Mall n'est pas loin de Whitehall. » « Oui, madame, répondit-elle, mais je l'entends d'une autre manière. »« Je te comprends, dit la quakeresse. Tu veux dire, je suppose, pour être la maîtresse du roi. »« Oui, madame, répondit-elle. » Je ne peux m'empêcher d'avouer ici quel fond d'orgueil était encore en moi. Je redoutais, certes, la suite de l'histoire. Cependant, quand elle dit quelle belle et grande dame c'était que Roxana, je ne pus me défendre d'éprouver du plaisir et un certain chatouillement. Je fis 2 ou 3 questions, demandant quelle était sa beauté et si elle était réellement une femme aussi remarquable qu'on le disait, et autre chose du même genre, exprès pour l'entendre répéter l'opinion des gens sur mon compte et la manière dont je me comportais. « Vraiment, dit-elle à la fin, c'était la plus belle créature que j'ai vue de ma vie. » Mais, lui dis-je alors, Vous n'avez jamais eu l'occasion de la voir que lorsqu'elle était arrangée à son plus grand avantage. « Si, si, madame, reprit-elle, je l'ai vue en déshabillé, et je puis vous assurer que c'était une très belle femme. Et ce qu'il y avait de plus fort, c'est que tout le monde disait qu'elle ne se fardait pas. » Ceci encore m'était agréable d'un côté, mais il y avait comme un dard diabolique à la queue de toutes ces phrases, et il y en avait un notamment dans ce qu'elle venait de dire qu'elle m'avait vue plusieurs fois en déshabillé. Ceci me faisait revenir à l'esprit l'idée qu'elle devait certainement me connaître et qu'elle ne le dirait à la fin. Et c'était une mort pour moi que d'y penser. « Très bien, mais, sœur, dit la femme du capitaine, racontez donc le bal à madame. C'est le meilleur de toute l'histoire, et la danse de Roxana dans un beau costume étranger. C'est en effet une des parties les plus brillantes de son existence, dit la fille. Voici l'affaire. Nous avions des bals et des réceptions dans les appartements de Milady presque chaque semaine. Mais une fois, Milady invita tous les nobles à venir tel jour pour leur donner un bal. Et ce fut vraiment une cohue serrée. Je crois que vous m'avez dit que le roi y était, n'est-ce pas, sœur ? Non, madame, reprit-elle, ce fut la seconde fois. Le roi, dit-on, avait entendu dire avec quelle perfection la dame turque avait dansé, et il était là pour la voir. Mais si sa majesté était réellement là, elle y était venue déguisée. C'est-à-dire ce qu'on appelle incognito, dit mon amie la quakeresse. Tu ne peux pas croire que le roi ait voulu se déguiser. Si, dit la fille, il en était ainsi. Il ne vint pas publiquement avec ses gardes, mais nous savions tous suffisamment lequel était le roi, c'est-à-dire celui que l'on désignait comme le roi. « Voyons le costume turc, dit la femme du capitaine, racontez-nous cela, je vous prie. » « Eh bien, dit-elle, Milady se tenait dans un joli petit salon qui ouvrait sur la grande salle où elle recevait les hommages de la compagnie. Lorsque la danse commença, un grand seigneur, j'oublie maintenant comment on l'appelait, mais c'était un très grand seigneur, ou un duc, je ne sais lequel, la prit et dansa avec elle. Mais au bout d'un moment, Milady tout à coup ferma le petit salon et courut en haut avec sa femme de confiance, Mrs. Amy. Et quoiqu'elle ne fût pas restée longtemps absente, je suppose qu'elle avait préparé tout cela à l'avance, elle redescendit habillée de la plus étrange façon que j'aie jamais vue de ma vie. Mais c'était excessivement joli. Ici, elle s'engagea dans la description du costume, tel que je l'ai donné déjà. Mais elle y fut si exacte que je fus surprise de la manière dont elle la détaillait. Il n'y avait pas une seule petite chose d'omise. J'étais maintenant dans une nouvelle perplexité, car cette jeune friponne expliquait si complètement toutes les particularités du costume que mon amie la quakeresse changea de couleur et me regarda deux ou trois fois pour voir si je ne rougissais pas aussi. Elle s'était en effet, comme elle me l'a dit ensuite, immédiatement aperçue que c'était le même costume qu'elle avait vu sur moi, ainsi que je l'ai raconté plus haut. Cependant, comme elle vit que je ne paraissais pas y faire attention, elle garda ses pensées pour elle, et j'en fis autant de mon côté, aussi bien que je pus. Je fis remarquer deux ou trois fois qu'elle avait une bonne mémoire pour pouvoir être si exacte dans les détails d'une chose semblable. « Oh, madame, dit-elle, nous autres servantes, nous nous tenons debout dans un coin, mais de façon à en voir plus que certains étrangers. En outre, ce fut le sujet de toutes nos conversations pendant plusieurs jours à l'office, et ce qui avait échappé à l'une, l'autre l'avait observé. Mais, lui dis-je, ce n'était pas le costume persan. Je suppose tout simplement que votre lady était quelque comédienne française, c'est-à-dire une amazone de théâtre qui mettait un costume travesti pour amuser la compagnie, comme on le faisait à Paris dans la pièce de Tamerlan ou d'autres pièces de ce genre. « Non, vraiment, madame, reprit-elle, je vous assure que ma lady n'était pas une actrice, c'était une belle dame, pleine de modestie, digne d'être princesse. » Tout le monde disait que si elle était la maîtresse de quelqu'un, elle n'était digne de l'être que de personne que du roi. Et l'on parlait d'elle pour le roi comme s'il en avait été réellement ainsi. D'ailleurs, madame, c'est une danse turque que Milady dansa. Tous les seigneurs et tous les nobles le disaient. Et l'un d'eux jura qu'il l'avait vue lui-même danser en Turquie. De sorte que cela ne pouvait venir d'aucun théâtre de Paris. Et puis, le nom de Roxana est un nom turc. Très bien, repris-je. Mais ce n'était pas le nom de votre dame, je suppose. Non, non, madame, je sais cela. Je connais parfaitement le nom et la famille de Milady. Roxana n'était pas son nom. C'est en effet la vérité. Ici, je fus acculée de nouveau, car je n'osais pas lui demander quel était le vrai nom de Roxana, de peur qu'elle n'eût réellement fait un pacte avec le diable et qu'elle ne lança hardiment mon propre nom en réponse. Si bien que je craignais de plus en plus que la fille n'eût pénétré le secret d'une manière ou de l'autre, bien que je ne pusse pas imaginer comment. En un mot, j'étais malade de la conversation et je tâchais de maintes façons d'y mettre fin. Mais c'était impossible, car la femme du capitaine, qui l'appelait sa sœur, la poussait, la pressait de raconter, pensant bien à tort que c'était un agréable récit pour nous tous. Deux ou trois fois la quakeresse mit son mot, disant que cette Lady Roxana avait une bonne provision d'assurance et qu'il était probable que si elle avait été en Turquie, elle avait vécu avec quelque grand pacha du pays qui l'avait entretenue. Mais elle interrompait aussitôt tous les discours de ce genre et se lançait dans les éloges les plus extravagants de sa maîtresse, la glorieuse Roxana. Je la rabaissais comme une femme de vie scandaleuse, déclarant qu'il n'était pas possible qu'il en fût autrement. Mais elle ne voulait rien entendre. Sa lady était une personne qui possédait telles et telles qualités, si bien qu'il n'y avait à coup sûr rien qu'un ange qui lui ressemblât, et néanmoins, après tout, ses propres paroles en venaient à ceci. Que sa dame, pour le dire en deux mots, ne tenait ni plus ni moins qu'un tripot ordinaire, ou, comme on l'aurait appelé depuis, une réunion pour la galanterie et le jeu. Pendant tout ce temps, j'étais fort mal à l'aise, comme je l'ai déjà dit. Cependant, toute l'histoire se déroula sans que rien se découvrît, si ce n'est que je paraissais un peu ennuyé de ce qu'elle me trouva une ressemblance avec cette frivole lady, dont j'affectais de rabaisser beaucoup le caractère en m'appuyant sur son propre récit. Mais je n'étais pas encore au bout de mes mortifications, car à ce moment, mon innocente quakeresse lança un mot malheureux qui de nouveau me mit sur des charbons. « Le costume de cette dame, me dit-elle, est, j'imagine, quelque chose de précisément semblable au tien, d'après la description. » Puis, se tournant vers la femme du capitaine, « Je pense que mon ami a un costume turc ou persan plus magnifique de beaucoup. »« Oh, dit la fille, il est impossible qu'il soit plus magnifique. Celui de Milady était couvert d'or et de diamants. Ses cheveux et sa coiffure, ah, j'oublie le nom qu'on lui donnait, brillaient comme des étoiles, tant ils étaient chargés de joyaux. » Je n'avais jamais jusqu'alors désiré que mon excellente amie la quakeresse fût loin de moi. Mais vraiment, j'aurais bien donné à ce moment-là quelques guinées pour être débarrassée d'elle. Car, sa curiosité s'éveillant à l'idée de comparer les deux vêtements, elle commença innocemment à décrire le mien. Et rien ne me causait tant de terreur que l'appréhension que j'avais qu'elle ne m'importuna pour me le faire montrer, ce à quoi j'étais bien décidée à ne jamais consentir. Mais avant d'en venir là, elle pressa ma fille de décrire la tiaïa ou coiffure, ce que celle-ci fit si habilement que la quakeresse ne put se retenir de dire que la mienne était justement pareille. Après plusieurs autres similitudes constatées, à mon grand ennui, arriva l'aimable prière adressée à moi de faire voir mon costume à ces dames. Et ces dames se joignirent à ce désir et insistèrent de toutes leurs forces jusqu'à en être importunes. Je priai qu'on m'excusât tout d'abord que je n'eusse pas grand-chose à alléguer pour expliquer mon refus. Mais à la fin, l'idée me vint de dire qu'il était empaqueté avec ceux de mes autres effets dont j'avais le moins besoin pour être envoyé à bord du navire du capitaine. Mais si nous vivions assez longtemps pour aller en Hollande ensemble, ce que, soit dit en passant, j'étais bien résolu à empêcher d'arriver jamais, alors, quand je déballerais mes effets, elle me verrait revêtue de ce costume. Mais elle ne devait pas s'attendre à ce que je danse avec, comme le faisait Lady Roxana dans ses beaux atours. Cela passa assez bien, et ayant surmonté cette difficulté, je surmontai la plupart des autres, et je commençai à me retrouver à l'aise. Bref, pour en finir avec cette histoire aussitôt qu'il se peut, je me débarrassai à la fin de mes visiteuses que j'aurais voulu voir parties 2 heures plus tôt qu'elles n'en avaient l'intention. Dès qu'elles se furent retirées, je montai en courant chez Amy, et je donnai issue à mon émotion en lui racontant toute l'histoire et en lui montrant dans quelles calamités une fausse démarche de sa part avait été malheureusement sur le point de nous envelopper, et de telle façon qu'il n'aurait peut-être pas suffi de toute notre existence pour nous en dégager. Amy le sentait assez, et était précisément en train de soulager sa rage d'une autre manière, c'est-à-dire en maudissant la pauvre fille de tous les noms de coquine et de sotte, sans compter d'autres plus vilains qu'elle pouvait imaginer. C'est au milieu de cette occupation que survint mon honnête hôtesse, la bonne quakeresse, ce qui mit fin à nos discours. La quakeresse entra en souriant, car elle était toujours gaie, mais avec mesure, et me dit « Eh bien, te voilà délivrée à la fin. Je viens m'en réjouir avec toi. Je voyais bien que tu étais assommée de tes visiteuses. Oh, »« Vraiment, je l'étais, répondis-je. Cette sotte jeune fille nous a fait avaler un vrai comte de Canterbury. Et je croyais qu'elle n'en aurait jamais fini. Hey, j'ai vraiment trouvé qu'elle avait grand soin de te faire savoir qu'elle n'était que fille de cuisine. Oui, et dans une maison de jeu ou un tripot, à l'autre bout de la ville. toutes choses qui ne sont guère capables, elle devrait le savoir, soit dit en passant, d'ajouter à sa renommée chez nous, brave bourgeois. Je ne peux pas ne pas croire, dit la quakeresse, qu'elle avait quelque autre but dans tout ce long discours. Elle a en tête quelque autre chose. J'ai la satisfaction de n'en pas douter. Vous en avez la satisfaction, pensais-je. À coup sûr, je n'en suis pas plus satisfaite pour mon compte. Au contraire. Et c'est une mince satisfaction pour moi que de vous entendre parler ainsi. Qu'est-ce que cela peut être? Et quand mes inquiétudes auront-elles une fin? Mais je disais ceci silencieusement et en moi-même, soyez-en sûr. Cependant, pour répondre à mon amie la quakeresse, je lui fis une question ou deux à ce propos, ce qu'elle pensait qu'elle avait en tête, et pourquoi elle pensait qu'elle eût en tête quelque chose. Car, ajoutai-je, elle ne peut rien avoir qui se rapporte à moi. En tout cas, dit l'excellente quakeresse, si elle avait des idées quelconques à ton sujet, ce n'est point mon affaire, et je serais bien loin de te demander de m'en informer. Ce mot renouvela mes alarmes. Non que je craignisse de me confier à cette bonne créature, s'il y avait chez elle quelque soupçon de la vérité. Mais cette affaire était un secret que je ne me souciais de communiquer à personne. Cependant, je le répète, je fus un peu alarmé, car, puisque je lui avais tout caché, je désirais continuer à faire de même. Mais comme elle ne pouvait manquer de recueillir, dans les discours de la fille, quantité de choses semblant me concerner, elle était en outre trop pénétrante pour être dépistée par des réponses qui auraient fermé la bouche d'une autre. Seulement, il y avait ici deux circonstances heureuses. D'abord, elle n'était pas curieuse de savoir ou de découvrir n'importe quoi. Et ensuite, elle n'était pas dangereuse, quand même elle aurait su toute l'histoire. Mais, je le répète, elle ne pouvait manquer de recueillir, dans les discours de la fille, plusieurs détails, comme particulièrement le nom d'Amy, et les différentes descriptions du costume turc que mon amie la quakeresse avait vu elle-même et qu'elle avait si bien remarqué comme je l'ai dit plus haut. Pour ce point, j'aurais pu détourner la chose en plaisantant avec Amy et en lui demandant chez qui elle demeurait avant de venir demeurer avec moi. Mais cela n'aurait rien valu, car nous nous étions malheureusement interdit ce langage en ayant souvent parlé du long temps depuis lequel Amy demeurait avec moi et, ce qui était pis, en ayant déclaré jadis que j'avais eu un appartement dans le Pall Mall. De sorte que toutes ces choses ne correspondaient que trop bien. Il n'y eut qu'une seule circonstance qui me sauva auprès de la quakeresse. Ce fut ce que la fille avait raconté de la grande fortune que Mrs. Amy avait faite et du carrosse qu'elle avait. Or, comme il pouvait y avoir beaucoup d'autres Amy dans le monde, il n'était pas vraisemblable que celle-ci fût mon Amy, car elle était loin de faire une figure à avoir carrosse. C'est ce qui chassa les soupçons que la bonne et affectionnée quakeresse pouvait avoir en tête. Mais quant à ce qu'elle s'imaginait que la jeune fille avait, elle en tête, il y avait là une difficulté réelle de beaucoup plus grave, et qui m'alarmait beaucoup. Mon amie la quakeresse me dit qu'elle avait observé que la fille était très émue quand elle parlait du costume, et plus encore lorsqu'on m'avait tourmenté pour lui montrer le mien et que je m'y étais refusé. Elle me déclara qu'elle s'était aperçue à plusieurs reprises qu'elle était troublée et qu'elle ne se contenait que très difficilement. Une ou deux fois, elle avait murmuré, comme à elle-même, qu'elle avait trouvé ou qu'elle trouverait. La quakeresse ne pouvait dire lequel des deux. Elle lui avait souvent vu des larmes dans les yeux, et lorsque j'avais dit que mon costume turc était emballé, mais qu'elle le verrait quand nous arriverions en Hollande, elle l'avait entendu dire doucement qu'elle ferait la traversée exprès. Lorsqu'elle eut terminé ses observations, j'ajoutai que j'avais observé également que la fille avait une conversation et un air bizarre, et qu'elle était extrêmement curieuse. Mais je ne pouvais imaginer à quoi elle tendait. « À quoi elle tendait ? » dit la quakeresse. « C'est clair pour moi ce à quoi elle tend. » Elle croit que tu es la même Lady Roxana qui dansait en veste turque, mais elle n'en est pas certaine. « Est-ce qu'elle croit cela ? » m'écriai-je. « Si je l'avais pensé, je l'aurais tiré de peine. »« Si elle le croit ? » reprit la quakeresse. « Oui, et je commençais à le croire aussi. Je le croirais même encore si tu ne m'avais pas convaincu du contraire en n'y faisant pas attention et par ce que tu as dit depuis. »« Vous auriez cru cela, vraiment ? » dis-je avec chaleur. « J'en suis très désolé. » « Eh quoi, vous m'auriez pris pour une actrice, pour une comédienne française ?»« Non, dit la bonne et tendre créature, tu portes la chose trop loin. Aussitôt que tu as exprimé tes réflexions sur ton compte, j'ai vu que cela ne pouvait pas être. Mais qui aurait pu penser autre chose? Lorsqu'elle décrivait le costume turc que tu as ici avec la tiare et les joyaux, et lorsqu'elle nommait ta femme de chambre Amy, avec plusieurs autres circonstances ayant l'air de se rapporter à toi, je l'aurais certainement cru si tu ne l'avais pas contredit. Mais dès que je t'ai entendu parler, j'ai conclu qu'il en était autrement. Cela était bien bon de votre part, lui dis-je, et je vous suis obligé pour m'avoir rendu cette justice. C'est plus que n'en fait cette jeune bavarde à ce qu'il semble. Certes non, elle ne te rend pas cette justice, dit la quakeresse, car elle croit certainement la chose encore, comme elle l'a toujours fait. Vraiment, dis-je? Oui, et je te garantis qu'elle te rendra une autre visite à ce sujet. Elle fera cela, m'écriai-je? Alors je crois que je lui ferai affront tout net. Non, tu ne lui feras pas affront, reprit-elle, animée de sa gaieté et de sa bonté ordinaire. Je t'enlèverai cette besogne-là des mains. Ce sera moi qui lui ferai affront à ta place, et je ne la laisserai pas te voir. Je trouvai que c'était une offre très aimable, mais j'étais incapable de voir comment elle s'y prendrait pour cela. La seule idée de la revoir me rendait à moitié folle, ne sachant dans quel esprit elle reviendrait, et encore bien moins de quelle manière la recevoir. Mais ma solide et fidèle consolatrice, la quakeresse, déclara qu'elle s'était aperçue de l'impertinence de cette fille et du peu d'inclination que j'avais à causer avec elle, et qu'elle ne voulait pas qu'elle m'ennuyât davantage. Mais j'aurai l'occasion de reparler de tout cela tout à l'heure, car cette fille poussa la chose encore plus loin que je ne le pensais. Il était temps, comme je le disais plus haut, de prendre des mesures auprès de mon mari pour faire remettre mon voyage. J'entamai donc la conversation avec lui un matin, pendant qu'il s'habillait et que j'étais encore au lit. Je prétendis que j'étais très malade, et comme il ne m'était que trop facile de lui en imposer, car il croyait absolument tout ce que je disais, j'arrangeai mon discours de manière à lui faire entendre que j'étais grosse, sans cependant le lui dire formellement. Quoi qu'il en soit, j'amenai la chose si adroitement qu'avant de sortir de la chambre, il vint s'asseoir à mon chevet et se mit à me parler très sérieusement, me représentant que j'étais tous les jours souffrante et que, comme il espérait que j'étais enceinte, il me priait de bien considérer si je ne ferais pas mieux de changer mon projet de voyage en Hollande. Car le mal de mer, et pis encore une tempête, s'il en survenait, pourrait être dangereux pour moi. Après m'avoir dit quantité des plus tendres choses que le plus tendre mari du monde peut dire, il conclut qu'il me faisait particulièrement la prière de ne plus penser à partir avant que tout fût fini, mais de vouloir bien, au contraire, me disposer à faire mes couches là où j'étais, et où je savais, comme il le savait lui-même, que j'aurais tout ce qu'il me faudrait et que je serais bien soignée. C'était précisément ce que je voulais, car j'avais, comme vous l'avez vu, mille bonnes raisons pour remettre la traversée, surtout avec cette créature pour compagnie. Mais je désirais que cette remise vînt de son fait et non du mien, et il donna de lui-même justement comme je le voulais. Ceci me fournit une occasion d'hésiter un peu et d'avoir l'air de ne pas y être disposé. Je lui dis que je ne pouvais consentir à lui causer des difficultés et des embarras dans ses affaires, qu'il avait maintenant loué la grande cabine du navire et, peut-être, donné déjà quelque argent ou pris du fret en marchandises, et que lui faire rompre tout cela serait pour lui une dépense inutile et peut-être un préjudice causé au capitaine. Quant à cela, me dit-il, il n'en fallait pas parler, et il ne le permettrait sous aucune considération. Il pouvait facilement faire entendre raison au capitaine du navire en lui disant le motif, et s'il lui donnait quelque compensation pour la rupture du marché, ce ne serait pas beaucoup. « Mais mon ami, lui dis-je, vous ne m'avez pas entendu dire que je suis enceinte. Je ne saurais même dire que je le suis. Car si je ne l'étais pas, après tout, j'aurais alors fait de la belle besogne en vérité. D'ailleurs, ces deux dames, la femme du capitaine et sa sœur, elles comptent que nous ferons le voyage, et elles ont fait de grands préparatifs, le tout par politesse pour moi. Qu'irais-je leur dire maintenant ?»« Eh bien, ma chère, répondit-il, si vous n'étiez pas enceinte, bien que j'espère que vous l'êtes, il n'y aurait pas de mal de fait pour cela. Un séjour de 3 ou 4 mois de plus en Angleterre ne me causera aucun dommage, et nous pourrons partir quand il nous plaira, lorsque nous serons sûrs que vous n'êtes pas enceinte, ou lorsque, l'événement ayant montré que vous l'étiez, vous serez remise et relevée. Quant à la femme du capitaine et à sa sœur, laissez-moi ce soin. Je réponds qu'il n'y aura pas de querelle soulevée à ce sujet. Je vous ferai excuser auprès d'elle, par le capitaine lui-même, de sorte que tout ira bien, je vous le garantis. » C'était autant que j'en pouvais désirer, et l'affaire en resta là pour un temps. J'avais, il est vrai, quelques inquiétudes à propos de cette impertinente fille, mais je croyais que remettre notre voyage, c'était mettre fin à tout, et je commençais à me sentir assez tranquille. Mais je m'aperçus que je m'étais trompé, car elle me mit de nouveau à deux doigts de ma ruine, et cela de la manière la plus inexplicable qu'on puisse imaginer.